Bonjour à toutes et à tous. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une version live du premier JDR Horyog fait pour Halloween 2019. En voici le synopsis. Salle de repos, 31 octobre 2019, 20h50. Les membres d'Horyog papotent joyeusement après la fin d'une de leurs réunions, l'administratrice s'étant déjà remis au travail et donc n'étant pas là pour les disputer s'ils traînent trop. La discussion se met cependant à rapidement tourner autour de la construction des univers Horyog, car il s'agissait là de bons petits employés dévoués tout de même. De toute façon, on a le temps avant de se prendre la tête sur la magie d'Anglewood, lança l'un d'entre eux. Il sera des vachement plus intéressant à développer avec toute la tech. Un autre bondit, insurgé. Pardon ? Désolé, mais Anglewood, c'est clairement le meilleur univers. Il n'en fallut pas plus pour qu'un autre réagisse. Ouais, aussi bien que Dawell. Et c'est ainsi que la conversation s'envenima. Quelqu'un tenta bien d'apaiser les choses en lançant « Eh, mais Dawell, c'est cool aussi !» Un silence temporaire prit soudainement place dans la salle, alors que les autres cherchaient une réponse appropriée. Un génie posa soudainement son verre, touché par ce qui pouvait être à la fois la meilleure et la pire idée qui soit. Au pire, on fait un concours. On se sépare en deux équipes, la Team Israd et la Team Anglewood. Celles qui perdent seront obligées de reconnaître que l'autre univers est le meilleur et que les membres gagnants sont les plus grands génies slash créaturistes qu'elles aient jamais connus. Une voix tenta « Eh, c'est pas pompé dans Brooklyn Nine-Nine, ça ?» Mais elle se fit hélas recouvrir par l'agitation soudaine de l'équipe. Rapidement, les deux équipes se formèrent. Anya, Tamika et Anowen dans la Team Israd, Jaffre, Dreg et Grushkov dans la Team Anglewood. Ils se firent face, déterminés. Ok, c'est quoi le concours? On essaye de piquer un truc à Ran sans qu'elle le sache. L'équipe qui l'aura en sa possession à minuit gagne. Ah ouais, et quoi? Faut pas que ce soit trop facile non plus. Une investigation discrète et quelques ménages remués plus tard, la réponse fut apportée. Son micro! Le Zoom qui est toujours dans son bureau et qu'elle emporte partout avec elle. Vendu. Des mains furent serrées, puis le moment où Ran Madsen débarqua dans la pièce. « Dites, vous avez fini de faire du bordel? Au boulot, hop hop hop !» Tout le monde retourna à son poste, mais sans aucune intention de travailler ce jour-là. Et elles avaient la réputation d'un univers à défendre. Donc, les règles sont pas très compliquées. Globalement, votre objectif, c'est d'avoir le Zoom en votre possession à minuit. C'est-à-dire que si vous l'avez chopé à genre 22h30, mais que il n'est pas encore minuit, du coup, vous n'avez pas gagné. On peut encore vous le garder jusqu'à minuit. Voilà, c'est faut l'avoir et le garder jusqu'à minuit. Les jets de dés sont au décent par rapport à vos compétences, donc à chaque fois que vous faites un jet de dés qui est inférieur à votre compétence, genre si vous avez 40 en constitution et que vous faites un jet à 30, c'est bon. Si vous faites un jet à 41, c'est mort. L'histoire a été construite pour qu'elle se boucle en 3 heures, peut-être 4 heures si vraiment on tire et que c'est chaud. Normalement, en 3 heures, c'est plié. Pour que ce soit pliable en 3 heures, j'ai rajouté du scénario, parce que je suis indécrottable. Donc, il y a une histoire annexe. Tout ce que vous en savez, c'est qu'au moment où vous avez démarré la partie, un peu avant, il y a Ran qui est venu me voir en disant « Bon, arrêtez de vous engueuler, allez dans le bureau, moi j'ai une soirée qui est occupée. » Donc vous savez juste que Ran va régulièrement se déplacer et que sa soirée est très chargée. Vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas où, quand, comment. Mmh. Vous n'avez pas les bails, mais sa soirée est chargée. À peu près toutes les demi-heures, donc au début c'est 45 minutes, puis des fois ça prend 45, 15, 30 minutes, généralement 30 minutes. Mmh. Ran se déplace avec son Zoom. Mmh. J'ai envie de dire, la dernière fois que tu avais une soirée très très chargée et que tu n'as pas voulu nous dire ce que c'était, c'est parce que tu essayais d'emballer un mec. C'est vrai. Vous êtes libre de faire des théories. Avec un Zoom. Oh putain, là, c'est chaud. Ah, évidemment, attends. Donc, bref. Donc, ouais, Ran se déplace toutes les demi-heures environ avec son Zoom dans une salle, dans une autre salle, qui peut être le toit, le sous-sol ou une autre pièce de l'intérieur du QG. Vous ne savez pas à l'avance, sauf si vous avez découvert des boules d'histoire, où elle va aller. Vous pouvez la retarder en lui parlant, vous pouvez la retenir ou l'envoyer dans une autre salle avec une histoire crédible et un bon jet. Donc là-dessus, c'est pas scripté dans le sens où elle va vouloir y aller, mais vous pouvez intervenir pour la retenir. Sachant qu'elle ne voudra pas beaucoup se déplacer sans son Zoom. Donc il va falloir être très fin et très discret pour réussir à lui faire oublier. Ok, donc c'est bon. Est-ce qu'on a accès au carac de Ran? J'ai mis 50 partout pour elle. Voilà. C'est un PNJ basique, ok. Elle a des compétences secrètes, enfin une seule compétence secrète, et la différence qu'elle a avec vous, c'est qu'elle connaît la réalité de toute la map. Elle sait réellement où sont tous les bails. Les cartes que vous avez sont explorables, bien sûr. Il y a des zones, comme vous avez pu voir, qui sont cachées. Il y a des choses à... Ah, merde. Bon, bah, en gros, c'est zone explorable. Rann connaît les vraies cartes. Voilà. faites gaffe, il y a des pièges qui sont planqués et des bouts de scénario qui sont trouvables par endroit. Donc, vous pouvez complètement tomber sur un item qui soit en fait la fin du scénar au début. Mais sachant qu'il vous faut cet ensemble-là, enfin, il vous en faut 4 ou 5 pour commencer à piger mm-hmm. c'est quoi les bails. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ouais, à peu près. voilà. Donc, si vous manigancez des choses de votre côté et qui vont influer sur l'histoire ou sur l'espace des salles, merci de me le communiquer en MP. Parce que ça va être un petit peu compliqué sinon. Ok. Voilà. Et ben, si tout est bon, mesdames, messieurs et camarades, la partie commence. Oula. Donc, vous êtes tous ensemble dans espace de travail commun. Vous vous êtes scindés en deux équipes. Donc, vous regardez d'un œil amer par groupe de trois, chacun d'un bout de la salle. On va d'abord faire un jet de dés pour voir qui a l'initiative. Donc, faites tous un jet de sang et celui qui a le moins de chiffres a l'initiative et on remonte, on fera les tours comme ça. Yes. Bon. Yes. Jaffre. Ah oui, dans les G2D, il y a les critiques. C'est-à-dire que tout ce qui est entre 95 et 100, c'est un échec critique. Et tout ce qui est entre 0, enfin, 1 et 5, c'est une réussite critique. Eh bien, du coup, nous partons. Le chiffre le plus bas est Jaffre. Jaffre, tu as l'initiative. Oh, chouette. Yes. je vais utiliser ma compétence spéciale. Attends. C'est quoi déjà ? Oh putain, oui d'accord, ok. Yes. Vas-y, tu fais un jet de dé du coup, en perception. Non, pardon, en constitution. Non, je suis con, excuse-moi. En chance. Pardon, je suis encore un peu perdue. Donc en chance, voilà, tu me fais un jet de chance. Ok. C'est quoi les capacités spéciales ? Ben, s'il réussit, il vous dira. Ok. En chance, oui, c'est bon. C'est bon, ça passe. Donc, l'équipe de Goldweed, vous ne voyez plus Jaffre. Qu'est-ce que tu fais ? On est d'accord que c'est son équipe qui ne le voit plus, du coup ? Non, c'est tout le monde dans la pièce ne le voit plus. T'as dit juste l'équipe Goldweed. J'ai disparu. Pardon, excuse-moi. Voilà, c'est Jaffre a disparu. Disparu ? Mais qu'est-ce que tu as le droit ? J'ai le droit de dire objection. Est-ce qu'on l'entend ou pas ? Tu peux normalement l'entendre. Est-ce que je dis ce que je fais ou je te le dis en privé, je sais pas. Ah non, tu le dis. Techniquement, vous allez faire la part des choses. Ok. J'entre dans les conduits de ventilation. Je sais qu'il y a une entrée dans cette salle. Tout à fait. Ah, le plan discret de ouf. Donc, je vais juste demander un jet de perception à... Attends, je sais plus qui est chez Isra et qui est chez Goldweed, ça c'est con. Vous pouvez me rappeler vos équipes vite fait, s'il vous plaît. Isra de... Goldweed. Donc, Anya... Oui. Nous, on est les plus beaux. Mais je t'en veux. Tous ceux qui sont arrivés avant 21h, c'était Goldweed. Ah oui, ok, ouais, très bon moyen de repérer. Comment ça balance ? J'ai les trois qui se suivent en plus dans le... Pour l'avenir du Netophonix. Donc, Drag... Est-ce que vous avez fait ça, Goldweed ? Je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a, t'as mis, là ? Attends, Anya, t'es où, toi ? T'es en Israd ou Goldweed, tu sais ? Je suis Israd, moi. Israd, Grushkov, t'es Israd, c'est ça ? De quoi ? Non, moi, je suis avec Tammy et... Non ! Grushkov, il est pas dans mon équipe ! Tammy et Anno, et du coup, Jaffre, Drag, Gru. Ok. Du coup, Israd, qui est-ce qui est le plus haut ? Bah, Anya, tu vas me faire un jet de perception. Oui. Attends. Ça passe à peu près, donc tu ne sais pas ce qui s'est trop passé, mais t'as entendu un bruit dans la ventilation. Ok. Tu notes ça pour ton tour. Ok. Ok, Jaffre, tu es désormais dans les conduits. Il faut désormais que tu fasses un croisement dès le début. Tu vas à gauche, à droite ou en face ? Je vais à droite. Ok, très bien. Tu as avancé à droite et on reviendra au prochain tour. Ensuite, qui est-ce qui avait le score le plus bas après toi ? 87, 77, 99... 41, je crois. 41, ouais. Tammy, à toi. Bruitage de papier. Alors, de par mon autorité de vice-président, je challenge le vertu président à un duel de pierre-feuille-ciseaux. Tu fais un jet de charisme. D'accord. De charisme, du coup. Attends, quoi? Et ça passe! Du coup, Drake, tu te retrouves dans un challenge! Ton initiative passe tout de suite à maintenant, donc... quelle est... donc, c'est juste une partie en combien de tours? C'est quoi le challenge? Pierre, feuille, papier, ciseaux. Ah, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. En une run? Samy? Ok. De quoi? En une partie ou en trois tours? En 3 points, 3 points, ouais. En 3 points, ok. Et quel est l'objectif de cette partie? Le perdant devra révéler une information à l'autre. Ok. Donc, est-ce que tu veux essayer de résister à ce challenge, Drake? Attends, j'ai des trucs qui se calculent dans ma tête. Est-ce que Drake passait d'un côté obscur? Et soudainement, Drake Nail s'exprima. Eh, un chat. Tu me fais un jet de bluff en charisme là, c'est chaud. C'est ma compétence spéciale. Oui, mais là, voilà, tu peux essayer, vas-y. Tu fais un jet de charisme. Tout le monde va faire sa compétence spéciale en vrai. Là, je vais soulever quelqu'un. Ah, ça passe presque. T'as mis un jet de perception pour voir si je me fais enfler. Ouais. D'accord. Cette partie n'a aucun sens. Tu te fais pas enfler. Ah ah. Non. Je sais très bien qu'il n'y a pas de chat dans le chez Auriog. Hélas. D'ailleurs, je me plaindrai à Ran à propos de cela. C'est important d'avoir des chats pour améliorer les conditions de travail. Ça m'arrangerait. La productivité. Mais du coup, Drake, malheureusement, tu es attiré dans ce piège et tu dois faire un jet. Vous faites tous les deux un jet de chance et le plus bas gagne la partie. Et vous le faites trois fois. Donc, d'abord. Mec, le deuxième joueur, c'est déjà parti en cacahuète. Ami gagne la première partie. Ensuite. Oh, les dames. Vas-y, Drake. Pour Drake. 31, Tammy gagne la deuxième partie. Non mais Tammy, sérieux. Troisième point. 53. Tammy gagne. Avec un beau 6. Ran, je crois que Tammy a payé l'arbitre. Il a peut-être essayé d'enfler à Orlan, mais là c'est chaud. Bah, c'est juste que Orlan 0.1 est au courant que je joue Elliot dans le reboot de Runaway. Ah, ouais, du coup, bah, forcément, elle fait de la lèche. Tu veux? Du coup, Drake, tu dois révéler un secret de ton équipe à Tamika. Et du coup, à l'assemblée en général. Un secret. Dis-lui que je suis moche. Non, mais ça, Grushkov, c'est un secret, on le sait déjà. Ah, soit c'est soit une compétence que vous avez, un truc comme ça. Vas-y, révèle-lui ma compétence. Drake s'effondre. Genre, tu veux vraiment que je fasse ça ou c'était une blague? Ouais, tu le fais. Hein. Genre, la compétence que je fais. Ah oui, vas-y. Ok, faut que je la retrouve. Attends, tu veux que je te l'envoie? S'il te plaît. Oh boy. En fait, j'ai un sabre laser. J'ai demandé à Ran et Ran m'a dit oui. Ça a été refusé par la direction. Laquelle, gauche ou droite? Grushkov a la capacité de soulever des trucs super lourds quand il se concentre super bien. Genre vraiment. Quand il se concentre super bien. Enfin, quand il se concentre, genre quand il, c'est une de ses capacités, il peut soulever. Quand il réussit son jet de dés, quoi. Non. J'ai pas roleplay de dire ça. Il peut soulever des trucs super lourds, c'est sa compétence. Voilà, c'était le secret de l'équipe. D'accord. Ok, est-ce que tu veux faire autre chose en soi ou on passe au tour suivant? Non, je vais méditer sur cette information que mon ami, cher ami, très très chère amie m'avait caché. Ensuite, c'est à... Et pas réfléchir, je veux dire pleurer. Bien c'est sûr. À Anya. Anya, qu'est-ce que tu fais? Je vais monter dans les conduits d'aération. Ok, tu fais un jet de... Tout le monde, comme ça, t'a cramé cette fois. Est-ce qu'on peut l'empêcher? Bah d'abord, attends, Anya, tu vas comme ça, tu te lèves et t'y vas, c'est ça? J'en sais rien. Tu as le droit de demander de l'aide à ton équipe. Tu demandes de l'aide à ton équipe. Ça fait pas du tout discret, en fait, ce que je me dis. Ah bah oui, effectivement. Bah, ça, c'est pour ça que je suis devenue invisible. Non, je me lève et je dis, je sors, je vos chiottes. Voilà. Okay. Donc je vais dans une autre pièce. Ça va dans les chiottes. Ouais, face à ce bordel, Anya se lève et sort. C'est ça, parce qu'il y a trop de boucan, il y a trop de non-sens dans cette pièce. Très bien. Du coup, je considère que tu es sortie. Hein. Voilà. Ils sont en train de s'engueuler, ça va. J'aime pas les engueulades. Tu es dans le couloir. Tu vas à gauche ou à droite ou en face? Je sais plus, c'est quoi la carte? Alors, espace de travail commun. Juste à ta droite, tu as la salle de réunion. À ta gauche, tu as du rangement de matos et l'espace stagiaire. En face de toi, tu as les petites salles de travail. Et au milieu, c'est le couloir. Donc, gauche-droite, c'est direction du couloir. À droite direction balcon, à gauche direction machine. Droite. Droite, très bien. Tu vas dans la salle réu ou tu vas dans la grande salle de pause? La grande salle de pause. D'accord. Eh ben, tu vas dans la grande salle de pause. Félicitations. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Tu te poses là. Est-ce qu'il y a une bouche d'aération dans cette salle-là? Non. Non, il n'y a pas d'entrée ici. Pour l'instant, je vais rester là, mais sinon... Ah oui, du coup, il ne faut pas que je dise... j'ai une part de plan, mais je suis en train de la dire à voix haute. Mais vas-y, donc, continue, personne ne t'en empêche. Tu te poses tranquillement dans la salle de pause, donc. Oui, pour l'instant, mais après, je bouge retour d'après, mais c'est pour faire style j'explore ou style je me suis perdu, tu vois. Ok, très bien. Sache que depuis la vitre du bureau d'administration, Ran te voit. D'accord. Elle se demande ce que tu fais. Mais elle a l'air concentrée dans son boulot, donc elle t'accorde. Donc je peux errer un petit peu. Voilà, c'est, elle te regarde et fait OK, et elle retourne à son boulot. Tu vois qu'elle est en train de tapoter sur son clavier assez frénétiquement. Oui. Tu l'entends. Bah, moi, ouais, je vais continuer à dire qu'elle essaye de pécho. Hein. De quoi? Bah, Ran. Oui. Mais j'ai pas entendu ça. Ce que Ah, je continue à dire qu'elle essaye de pécho. Peut-être. Ensuite, c'était au tour de... je crois que c'était Grushkov. Ouais, c'est Grushkov. C'est mon tour, hein. Oui. Il essaie de mettre du drama. Là, je suis assis sur quoi ? Je suis dans quelle position actuellement ? Tu es assis sur une chaise en face de tes collègues et tu vois qu'il y a juste Drag et Tammy qui sont en face debout parce qu'ils ont fait un duel. Ok, et du coup, il y a une table au milieu? Oui. Je me lève et je grimpe sur la table. Ok. Tu es debout sur la table désormais. Est-ce que tu peux me faire un jet d'agilité, s'il te plaît? Non, tu déconnes. Non, je ne déconne pas. Attends, j'ai pas vu combien t'as fait. J'avais fait... Oups. Parce que j'avais révélé, donc ça va. Ouais, bon. Oui. Ça passe, allez, tu es debout sur la table. Qu'est-ce que tu fais? Chers camarades. De tout temps, les hommes. Mais les femmes aussi. Et les autres. Tout le monde. J'avais demandé à être dans l'équipe de Tamika. Je pense que Tamika peut en témoigner. Oui, je témoigne pour toi, frère. C'est bon, calme-toi. J'ai demandé à avoir un sabre laser. Est-ce que Ran peut en témoigner depuis sa salle là-bas? Bossez, bande de cons! Voilà. C'est exactement ce qu'on m'a répondu. J'ai demandé à pouvoir faire un Kamehameha. Je ne peux toujours pas. J'en ai un peu plein les bottes. Et j'ai aucun moyen de me fabriquer un sabre laser, j'ai pas le niveau pour. Et je ne suis pas magicien, donc je ne pourrai jamais faire de Kamehameha. Du coup, Je redescends de la table. Un jeu d'agilité, s'il te plaît. Vous êtes sûr? Oui. Aïe. J'ai glissé. Tu tombes. Mais tu vas bien, tu tombes. Ouais. Bon, je me relève quand même tant bien que mal et je fais... Je rejoins l'équipe d'en face parce que c'est le seul truc que je peux avoir. Trahison donc. Oh. Bah, je veux dire, il y en a un qui s'est barré et l'autre qui perd tous ses jets de dés, tu crois quoi? Est-ce que tu peux me faire un jet de charisme? Oui, est-ce que t'as le droit de faire ça? Boum, j'ai perdu. Du coup, en face, vous êtes donc l'équipe d'Israd. Vous voyez Grushkov approcher de vous. Vous n'avez pas vraiment acheté ce qu'il dit, mais en fait, vous êtes soupçonneux. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je pense qu'il a pris un coup sur la tête en tombant de la table. Et je pense qu'on devrait l'accompagner, genre, à l'infirmerie. Mm-hmm. Il y a une infirmerie sur ce dirigeable? Oui, il y a une infirmerie juste avant les machines. Le reste de mon équipe qui est présent dans la même pièce est-il d'accord, ce reste de mon équipe? Bah, c'est Tamika. Bah, moi, dans la mesure où je suis secrètement amoureux de Grushkov, forcément, bah, j'ai peur pour sa vie. Et donc, oui, il faut l'emmener à l'infirmerie, bien entendu. Bon, bah, ça, du coup, ça glisse sur ton toit, Noan. Du coup, tu accompagnes Grushkov à l'infirmerie, c'est ça? Exactement. Je me jette par terre. Et je m'accroche au pied de Tamika. Noan, il faut faire un jet de charisme. Je suis sûre que j'entends du boucan depuis le couloir. Je vais faire ma qu'est-ce qu'ils foutent là-bas. Je me suis fait un beau pot à la jambe en plus. Oh. Dans la vraie vie. Merde. Mais quelle idée en même temps. Est-ce qu'on a perdu Anouane? Anouane a disparu. RT si c'est non, triste. Non, toujours là. Mais fais ton G2D. Ah, c'est bon, G2D dont vous parlez. Mais oui, bah c'est oui. Toi qui dois faire un G2D de charisme. Désolée. Boum. Alors. Ça marche pas. Grushkov te fait globalement des doigts et il ne veut pas y aller. Tamika, c'est ton tour. Enfin, Anouane, est-ce que tu as une autre idée de choses à faire avant Il est toujours par terre au pied de Tamika? Oui. Ouais. Je lui marche sur la main discrètement. Je fais semblant que j'ai pas fait exprès et je dis, mais là, il faut t'emmener à l'infirmerie. Merde, t'es blessé. Attends, est-ce que Anouane a le droit de faire ça après avoir fait un critique? Ah oui, c'est vrai, c'est un critique. Pardon, oui, c'est un critique. Anouane, tu as dit cette phrase-là, tu effectivement, tombes. Dans ta tête, ça sonnait comme ça. Mais ce que tu as prononcé en vrai, c'est... Voilà. Regarde sa réaction. Bon, alors, du coup, moi, devant cette absence de charisme de la part... de mon partenaire d'équipe. Accepte-moi. Et bien moi, je comprends, parce que moi aussi, sous le coup de l'émotion de voir Grushkov blessé, je réagirais pareil, avec autant, aussi peu de charisme. Et du coup, ben, je regarde Grushkov et je lui dis, mais ça va, frérot? Ça va? Tu t'es pas fait mal? Non, ça va, j'ai un bobo à la jambe, mais c'est juste une croûte qui s'est rouverte. Un bobo à la jambe? Oui. Mais c'est terrible! Ah, il faut aller amputer! Non, ça, je vais peut-être trop loin, mais il faut au moins aller mettre un petit bandage ou un truc comme ça! Il faut mettre du daquin. Du daquin, oui, et à l'infirmerie en plus. À l'infirmerie, il y a des pansements Star Wars. Tu fais un jeu de charisme avec un bonus de 10, Tammy. Tammy, j'ai cru que t'as dit les petits pandas. Mais aussi! Mais il y a tout ce que tu veux, il y a des pansements Kylo Ren, il y a des pansements Rey. Il y a des pandas. Tu peux mettre un pansement Kylo Ren juste à côté d'un pansement Rey. Et faire comme si, tu vois, tu en mets le pansement Kylo Ren sur une jambe, le pansement Rey de l'autre. Et comme ça, à chaque fois que tu marches, ils se font des bisous. Voilà. Je me relève et je cours à l'infirmerie. Ouais, effectivement, c'est biaisé. Bon bah, Tamika, tu accompagnes Grushkov à l'infirmerie. Mais je me suis pas relevé, attends. Non, mais il te traîne. Ok, mais alors du coup, il faut lui mettre un malus en déplacement. Finis ce que tu voulais dire d'abord, Tammy. Je suis un gros bonhomme. Du coup, Anouane vient avec moi ou pas? Bah non, elle est sous le jet de son absence de charisme. Du coup, elle est juste en train d'essayer d'articuler une phrase. D'accord, très bien. Eh bien, je partirai seule. Avec Grugru. Tu fais un jet de constitution pour voir si tu arrives à relever Grugru d'abord. Ah. Avec un malus de 50. Hein. Ça passe, nickel. Même avec un malus de plus 30, ça marchait. Donc, Grushkov, tu te retrouves traîné par Tamika vers une infirmerie qui t'a promis mon... On notera que les seuls jets que je rate... Là, je commence à avoir des égratignures. C'est quand il y a... Pardon, quoi ? C'est quand c'est... Je lance pour Anoan, tu vois. Bon, bah, vous êtes tous les deux sortis vers l'infirmerie. Très bien. Fin du tour. Fin du premier tour. Félicitations. Jeff, on revient à toi. Tu es dans les conduits. Oui. De ventilation. Tu avances un petit peu et tu vois que là, à ta droite, il y a une sortie possible. Mais non, attends, mais Dreg a pas fait son tour. Non, je t'ai oublié, Dreg. Bah non, Dreg avait fait genre... Ah oui, ça, je t'ai fait avoir par le pouce-pouce, pardon. Il faudrait essayer d'arrêter d'oublier Dreg. Non, Dreg. Vas-y, Dreg, à toi. Pire, c'est que je dis rien, moi, je sais pas quoi faire. Ouais, mais je suis là pour te protéger. Bah, écoute, moi non plus, j'ai improvisé, débrouille-toi. Donc Dreg, Grushkov est parti à l'infirmerie, Jaffra a disparu, Anya n'est plus là, Tamika n'est plus là, tu es seule face à Anno. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux sortir discrètement en profitant de la mêlée organisée par le Grushkov qui se casse la gueule et compagnie pour me barrer? C'est pas une mêlée. Donc, genre profiter par le fait que Anno soit occupé à articuler pendant que Tammy tire Grushkov pour me genre partir discrètement. Est-ce que tu as une destination précise en tête? Déjà le couloir, mm-hmm. Et après je vais voir. Je renvoie les plans. Écoute, Attends, je peux renvoyer les plans. Vas-y. Je les pose. Normalement, tout a été épinglé pour les plans. Ah, les plans, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc oui, est-ce que tu as une idée? Je vais aller en direction... Je crois que je vais aller faire un tour du côté de la salle de pause. Et pour aller me diriger vers les plans. D'accord. Tu fais un jet d'agilité pour voir si Anoman te voit partir. Mais c'est pas moi qui dois faire un jet de perception? Si, après. D'accord. Tu as combien en agilité, Dreg? Pas beaucoup. Tu n'as pas grand chose en agilité. Tu as perdu, tu t'es levé pour partir, tu t'es pris le pied dans la table que, sur laquelle Grushkov était tout à l'heure et tu es tombé. Tombé carrément avec un 50. Tout le monde tombe des tables, c'est pas possible. Tu trébuches, tu te fais pas mal, tu perds pas de points de santé mentale. Mais tu trébuches et du coup tu n'arrives pas à sortir. Oh, et voilà. Et du coup le tour s'achève sur ton croûtage. C'était mieux. Donc nous retournons à Jaffre. Oui. Donc tu es dans les conduits de ventilation. Tu as le choix entre aller tout droit, qui a l'air lointain, et ou aller à droite, où tu as directement une sortie possible. Je vais aller tout droit. Tu vas tout droit, plouf, plouf, plouf, plouf, plouf. Tu arrives à une autre intersection. Tu as tout droit encore, ou tu as à gauche, qui a l'air d'être relié à un deuxième conduit. Ok, très bien, plouf, plouf, plouf. Tu arrives avec tu es maintenant à ta droite, tu as une sortie manifeste, non, une entrée qui a l'air d'être à ta droite, et en face de toi semble être une sortie. Tu vas où? Bah, je vais tout droit. Tu vas tout droit et tu tombes. Tu me fais un jet d'agilité, s'il te plaît. Ah mince, voilà. Tu as réussi, en fait, tu as trébuché, tu as vu qu'une grille était instable, tu as posé ta main dessus, tu as failli la grille a bien bougé, mais elle n'est pas tombée. Et tu n'es pas tombé par terre. Mais ça arrive. Du coup, Anya, tu as entendu un bruit. Est-ce que c'est l'endroit où je suis ou pas? Non, c'est beaucoup plus loin, mais tu sens que dans le couloir à côté de toi, il y a eu du bruit. Et tu entends Ran se relever et faire « Il y a quelqu'un ?» Du coup, Ran vient de t'interpeller. Qu'est-ce que tu fais? Je fais « Miaou ». Tu me fais un jet de charisme. Oh merde. Si tu fais un miaou, fais un bon miaou, s'il te plaît. Oh, et ça passe! Le chat le plus charismatique de l'univers. Miaou! Mais attends, si c'est une réussite critique, est-ce que Ran essaye de trouver le chat pour lui faire des bisous? C'est pas une réussite critique, donc tout va bien. Tu entends Ran se dire « Ok... » Elle se rassoit et dit « Bon, va falloir que j'appelle Drey. » Donc du coup, soulagée, tu continues ton chemin et « Hey, qu'est-ce que ceci? À ta droite, il y a un accès. » Tu as le choix entre aller tout droit et découvrir ce petit accès à droite. Comment ça? Attends, quoi? Je suis pas sortie des... Non, il y a un dernier embranchement avant d'y aller. Qui n'est pas sur la carte que vous avez. Ah. Mais je vais explorer cet embranchement. D'accord, tu y vas. Attends, je vérifie juste ton truc. Oui, du coup, tu me fais un... jet de... pouf pouf pouf, constitution. Oh, merde. Alors... Dernière poupée, please nerf. Jaffre, tu abordes cet accès en étant absolument aux aguets. Tes muscles sont tous bandés et prêts à réagir à quoi que quelque chose qui arrive. Tu vois l'accès, tu vois qu'il tombe brusquement. Tu fais « Ah ah, heureusement que j'ai été méfiant ». Tu te colles gentiment contre le rebord et tu descends tranquillement, genre petit à petit, et tu arrives avec un... Tu te rattrapes en bas avec un salto avant absolument bien exécuté. Et tu te retrouves dans une espèce de petite salle très sombre, mais comme tu es très bien constitué et très intelligent, tu vois que tu es tombé fort heureusement sur un petit nid de poussière qui était bien placé. Ah, chouette. Il fait carré le truc de poussière. J'affre le nid. Tu connais pas, tu identifies la zone comme étant les sous-sols. Tu es juste dans une salle étrange qui a l'air d'être très organisée quand même, et fréquentée très rarement, mais fréquentée quand même. Au prochain tour, tu pourras l'examiner si tu veux. Chouette. Donc, attends, je note Jaffre et donc ici. Très bien. Ensuite, c'est au tour de... Drake, c'est à toi. Tu es tombé, tu as mal au genou, tu te redresses, tu vois qu'il n'y a plus personne à part toi et Anouane qui commence à se remettre de son jet de charisme. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est déjà... Je pensais qu'il y aurait tout le monde avant. J'aimerais bien en sortir parce que je dis, il n'y a quand même plus personne et puis je m'excuse genre okay. Pour Erwan en mode je vais aller faire un tour un peu ici, c'était tendu, je vais aller me reposer dans la salle de repos, ça, c'est bien. Fais un jet de charisme. Oui. Putain. Ça ne passe pas. D'ailleurs, est-ce que tu nous comptes les points de San perdus au fur et à mesure des interactions ou bien... Oui, je te les compte. D'ailleurs, effectivement, tu as perdu un point de sanité avec ton critique. Je me disais aussi. Et est-ce que Drake a perdu des points de San en se faisant battre 3 fois de suite au pire feuille-ciseau? Comme un loser! Je vais pas le faire rétroactivement, mais on peut noter. Très bien. Du coup, ouais, Anouane, tu n'as pas buggy shit. Note-le. Du coup, Drake, quelle est ta réaction, Anouane, juste vite fait? Face à ce mensonge éhonté. Un vertu président qui ment. Vraiment. Tamika, je peux me défendre moi-même, surtout que tu n'es pas dans la pièce. C'est vrai. C'était du troll. Te reposer, eh bien, passe un très bon repos. Donc tu laisses Drake sortir, c'est ça? Ouais. Mais avec un regard méfiant. Ouais. Donc voilà, Drake, tu sors, mais sous l'opprobre violente et sale. Okay. Ouais. Non, t'as l'air droguée. Je referme la porte derrière moi et je pars. Vers les dortoirs ou vers la salle de pause, du coup? Attends. Ah, j'arrête pas de perdre le plan, je suis désolée. Salle de pause, elle est vers les machines. Pardon, l'inverse. Je vais aller vers les machines. Ok, donc plouf, plouf, plouf. Tu vas donc directement dans l'espèce de mini-balcon où il y a les machines ou tu t'arrêtes devant? Non, j'aimerais bien aller dans là où il y a le stockage temporel et l'accès au sous-sol. Ok, donc tu vas jusque-là et ton tour s'achève ici. Parce que je vais d'abord checker si Anouane te capte. Tu voudras descendre dans le stockage carrément ou pas? Oui. Bah écoute, je te laisse y descendre. Donc, tu es désormais dans le sous-sol. Tu as un grand espace devant toi et le stockage de matos est à ta gauche. Et ça fait la poussière. Il y a plein de poussière là-dedans. Dis donc, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas passé ici. Voilà ce que tu en retiens. Okay. Ensuite, nous avons Anya. Anya, tu es dans la salle de pause. Tu t'es détendue. Tu as entendu que la situation a l'air plus calme du côté de la salle de réunion. Mais tu as aussi entendu un bruit très étrange que Ran a pris pour un chat. Mmh. Que fais-tu? Bon, moi, j'ai entendu que c'était un chat. Je me dis que c'est rien. À la place, je tâtonne, je sors de la salle, en fait je cherche les chiottes. Littéralement. Ok, bon bah les chiottes sont en face de la salle de réu, donc voilà. Ouais, je vais aux chiottes. Tu es désormais à l'intérieur, il y a 6 toilettes. Donc 1, 2, 3 à ta gauche, 4, 5, 6 à ta droite. Laquelle tu choisis? Fais attention. D'accord, et il me semblait qu'il y avait un conduit par là. Effectivement, non, il y a un conduit aussi, en face de toi. Et attends, est-ce que c'est une entrée? Je vérifie vite. Pourquoi si c'est pas une entrée, si c'est pas une sortie? Ah merde. Ah non, parce qu'elle s'ouvre que dans un sens, les plaques. Donc il y a une sortie dans, par là. Ah merde. Mais tu peux aller faire un pic quand même si tu veux. J'en profite, voilà, histoire de me dire que je suis pas venue pour rien si jamais quelqu'un pense. Tu vas dans quelle toilette? Premier à droite. Eh ben écoute, tu vas dans les toilettes à la droite, très bien. Ce sont des toilettes normales, tout va bien, tu peux faire ton pipi en paix. Je peux pas dire, mais il faut se méfier des toilettes là maintenant. Ce sont des toilettes non binaires. Voilà. Ensuite, nous avons... attends, mes fiches, j'en ai quatre, c'est déjà trop. Grushkov, tu es désormais dans l'infirmerie avec Tamika. On vient de te poser un petit pansement, Kylo Ren. Que fais-tu? Bah, je fais des bisous sur mon pansement. Ok, c'est tout. Bah, je fais un gros câlin à Tamika. Je dis, mais quand même, mec, j'avais pas besoin d'un pansement. Hein. Je suis un bonhomme quand même. Ne dis pas ça, Grushkov. C'est la virilité toxique qui te fait dire ça. En réalité, tu as besoin de pansements et d'antiseptiques. C'est important. D'ailleurs, tu m'as oublié de me mettre de l'antiseptique. Du coup, je vais sûrement... Il faut enlever le pansement et recommencer. Mais non, mais c'est pas possible. C'est un pansement Kylo Ren. Tu peux pas retirer un pansement Kylo Ren. Tu peux, il y en a d'autres. Non, c'est trop tard. C'est fini. Il va mourir maintenant. Si seulement j'avais un sabre laser, j'aurais pu cautériser ma plaie, mais regarde ce que Ran a fait. Regarde ce que Ran a fait. Non. Ouais, t'as raison, franchement, c'est une honte. Vraiment, je pense qu'il faut aller voir Ran pour lui demander à deux, là, un sabre laser. Parce que là, juste... voilà. Peut-être qu'une demande isolée, tu vois, c'était pas assez. Mais... Du coup, vous y allez? Alors, attends, donc, c'est mon tour, c'est pas... T'as mis qu'à regarder. Vas-y. À choisir. Est-ce que la... Attends, je cherche où est l'infirmerie. Ouais, ouais, on est tout au bout, là. Ouais. Ah si, du coup, ouais, l'infirmerie a une glace. Vous avez vu Drake passer en direction des machines. Bon, est-ce que je peux faire un... On l'a vu, ou est-ce qu'il faut qu'on fasse un jet de perception? On va faire un jet de perception. Tous les deux. Le petit perception. Ah ouais, Grushkov, tu ne l'as pas vu. Tamika, tu ne l'as pas vu non plus. Vous n'avez pas vu Drake passer. Alors, je veux dire, en même temps, il y avait quand même un pansement Kylo Ren. C'est vrai. Donc voilà. Bon, du coup, Grushkov, oui, moi j'étais en train de faire des bisous, je veux dire, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, je me retourne vers mon pansement, je commence à le caresser, je lui dis je vais te protéger, tu vas t'en sortir, tu vas pas mourir, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Comme action. J'essaye d'attirer l'attention de Tamika. Donc tu retiens juste Tamika ici, c'est ça? Oui, enfin non, pas vraiment, pas du tout, oui, mais oui. Ok. Alors, tu me fais un jet de charisme. Allez, boum. Hop, Grushkov, ça passe. Oui. Tammy, tu vas me faire un jet de perception. Oui, évidemment. Oh, c'est un blessant. Tu t'es fait avoir. Ah là là, dis donc, ce pauvre Grushkov qui est blessé, il faut que tu en prennes soin. Du coup, ton action se termine là. Anowan, à toi. Je suis désormais seule. Voilà. Tu as entendu distinctement Drake partir en direction des dortoirs. Donc, est-ce que tu veux faire un jet de perception pour... voir si ton acuité est au point que, où tu as repéré si elle y est ou pas. Faisons ce jet de perception. Vas-y. Alors, attends, Anowan, où es-tu? Tu es là, jet de perception. Putain, pile poil, c'est bon. Tu sais que Drake est dans la salle des machines. Ouais, comment tu viens de révéler la... les capacités de mon subordonné? T'as dit pile poil, effectivement. Mais bon, voilà, on pardonne. Alors pour ma part, étant donné que je suis désormais seule dans la salle, je vais pouvoir entrer dans les conduits d'aération de façon un petit peu discrète. Mais alors, okay. je voudrais donner un point de comparaison. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film Finding Dory, le monde de Dory en français? Nope. Oui. Oui. Vous voyez le poulpe? Ah dans oui, mais il y a. C'est celui avec Kylo Ren. Non, Grushkov, dans tous les films, il n'y a pas Kylo Ren. Est-ce que vous voyez la pieuvre qui sont nuls. Dans le monde de Dory. Et la façon dont la pieuvre se déplace. Oui. Sur le côté, c'est ça. Alors, c'est surtout en se faufilant sur les murs et en faisant des trucs de... C'est pas grave, personne n'a vu ce film. Eh bien, c'est moi la pieuvre, ok ? Et je rentre dans les conduits d'aération en utilisant mon bonus en agilité. Ok, bah fais un G. Ah bah non, t'as pas besoin de faire de G. Très bien. Ne fais pas de G. Et rentre dans les conduits. Putain, j'aurais dû checker ta carte. Très bien, tu es dans les conduits d'aération. En face de toi, trois voies possibles. Gauche, en face, droite. Laissez-moi jeter un œil au plan que nous connaissons tous. Eh bien, je vais me diriger vers la gauche. Vers la gauche, ok. Eh bien, tu circules vers la gauche. Et, pouf, tu avances un petit peu et tu vois qu'à ta gauche, il y a une plaque dont tu ignorais l'existence. Elle a l'air d'être au-dessus d'une salle. Est-ce que tu veux t'y engouffrer ou continuer ton chemin ? Je vais explorer ce qu'il y a derrière. Tu veux faire un jet de perception avant d'y aller ou tu vas sans réfléchir ? Je vais faire un jet de perception que je vais échouer car ma perception est nulle, mais ça vaut quand même mieux le coup. Envoie. Et c'est indécent ? Et bah ça passe. Donc tu colles tes yeux face à la plaque et tu vois qu'en fait en dessous c'est juste la salle de rangement de matos qui est à côté de l'espace stagiaire. Donc, il y a globalement juste de ce que tu vois là, des armoires, de la poussière, des cartons et vaguement du matos par-ci bas, mal rangé. Est-ce que tu veux continuer ta voie ou aller explorer ? Je vais retourner explorer. Très bien, donc tu vas tout droit. Pouf. Et là, juste en face de toi, tu as donc l'accès aux machines, donc c'est un cul-de-sac, et à ta gauche, pardon, excusez-moi, j'ai tapé un micro, un accès dont tu ignorais tout. Et tu vois qu'il y a un couloir. À ma gauche. À ta gauche. Mais il y a 3 cm de dirigeable à ma gauche. Et après, c'est le vide. Eh ben, il y a quand même un accès à ta gauche. Eh bien, je vais voir ça. Très bien. Tu arrives au niveau d'une grille qui est au-dessus d'une salle, très blanche. Est-ce que tu fais un jet de perception ? Je vais faire un jet de la perception. Je crois qu'il passe dans le presse-papier, le slash interne. Oui. Ah, j'ai foiré. Tu vois c'est trop blanc, c'est aveuglant. Je ne vois rien. C'est trop blanc. Est-ce que tu fonces dans le tas ou tu fais demi-tour ? Alors, je vais utiliser ma souplesse pour passer à travers la grille, garder les jambes dans le conduit et passer la moitié du corps dedans pour essayer de voir un peu mieux ce qui se passe. Ok, tu me fais un jet de constitution. Je vais faire un jet de constitution, sachant que j'ai aussi un bonus en consti. Ah oui, du coup, tu as plus 5, donc tu fasses moins de 65 en consti. Tu peux toujours faire contre-V. Et ça passe, tu passes tu as tes jambes dans le conduit, t'as la moitié du corps qui est penché en milieu d'une salle très étroite. Étrange, les armoires sont remplies de fioles, et, oh mon dieu, mais on dirait un labo. Tintin, ton tour s'achève. Ran est un génie du mal, quoi ? Tamika, tu as été distrait par Grushkov. Grushkov te parle de Kylo Ren. Et en fait, le truc, c'est que tout le monde le voit comme un méchant, alors qu'en fait, c'est vraiment lui la victime. Parce que tout le monde l'a rejeté toute sa vie. Et le mec, il se retrouve face à la seule personne pour laquelle il éprouve des sentiments. Il lui dit, viens avec moi. Moi, je suis nul. Toi, t'es nul. Et on va être nuls ensemble. Et elle lui dit, non, c'est terrible. Il l'a vu Po aussi. Et du coup, il aurait pu ressentir des sentiments pour Po. Et... Non, il y a... Mais à part cette discussion passionnante, juste à fond dedans, c'est ça ? Bah moi, on me dit de distraire, je distrais. Pardon ? Ah, je disais qu'on essayait d'être RP. Très bien, vous faites bien. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, Tamika, qui n'a rien à voir avec la conversation ? 45. Bon, et ben, il ne se passe rien pour toi. C'est dommage. Merde. Quelle vie. Donc, vous êtes dans votre discussion, Tamika, ton tour saute. À moins que tu avais une idée d'action quelconque à faire. Ah, oui, je regarde s'il n'y a pas du genre. Enfin, si. La porte de l'infirmerie, est-ce qu'elle se ferme à clé ? Est-ce qu'il y a une clé ? Il y a un petit verrou directement, tu sais, le clic-clac de base. Mais du coup, ça se ferme de l'intérieur, c'est ça ? C'est ça. Ok. Voilà, c'est tout ce que tu voulais savoir ? Bah du coup, sinon il y a pas de truc intéressant dans l'infirmerie du loup. Fais un jet de perception, encore. Fais-moi un beau petit ah, son. C'est ah, dommage non. que tu le fasses que maintenant, ce 25. Donc, tu regardes autour de toi, il y a des bandages, une armoire avec des différents produits dedans, de l'antiseptique. Globalement, tu peux tâter au niveau des armoires. Est-ce que mais... je peux prendre l'antiseptique pour être un peu plus sûr de ce que je vois? Ok, oui, tu peux prendre l'antiseptique. Ok. Est-ce mais que je vais faire le faire genre, ignorer l'une de mes blagues? C'est ouf. C'était juste pas drôle. J'ai pas entendu Evan, je suis désolée. Thomas disait, je vais prendre l'antiseptique parce que j'ai des doutes. Ah ok, pardon, effectivement. Oh. Désolée, mais maintenant t'as des antiseptiques dans ton enfer, voilà. J'ai pas compris. Antiseptique, sceptique. Oh. bien, je prends l'antiseptique. C'est bien un truc en mode cheat, c'est ça? C'est ça. Très bien. Tu as désormais de l'antiseptique dans ton inventaire. Ouais, okay. Pénétrément cheaté dans les yeux, je le sens venir haut comme une... Ouais, grave. Très bien, le tour passe. Mais pour le moment, je suis trop distrait. Voilà. Drag, tu es donc toi dans les machines. Anya, tu es dans les toilettes, c'est ça? Oui. Non, t'es dans le sous-sol. Anya, t'es aux toilettes. Pouf. Anya, oui. Tu entends quelque chose. Ran se lève. Attends, elle va où déjà cette conne? Tu entends très tout exactement. La porte du couloir est grande ouverte, donc tu entends très bien depuis les chiottes, parce qu'il y a beaucoup d'écho dans le dirigeable, que Drag et Ran est sortie du bureau d'administration en claquant la porte. Elle a soupiré très fort, elle a l'air agacée et se dirige vers l'avant du balcon, enfin l'avant de la salle, et elle s'est enfermée dans une salle. La porte a claqué très très fort et elle a l'air énervée. Voilà, tu as cette information. Ah bah oui, il y a Ran qui a pécho, donc forcément elle est énervée. C'est pas mon tour. Non, pas encore, mais juste okay. Tu as cette information. Jaffre, toi aussi de ton côté, tu as entendu la porte claquer très violemment au-dessus de toi. Tu ne comprends pas trop ce qui se passe, mais la porte a claqué et ça a l'air d'être Ran. Ok. Voilà, très bien. Étape 1, ok. donc on repart. Jaffre, tu es donc dans cette salle où tu t'es merveilleusement bien réceptionnée. Étonnamment. Ouais, je dirais, t'as vraiment fait ton saldo, t'es encore sous l'effet un petit peu euphorisant de toute cette adrénaline. Waouh. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette salle dont tu ne sais rien? Avant que je fasse quelque chose, est-ce que, en regardant le conduit d'où je viens, est-ce que ça semble possible de pouvoir remonter par là ou pas du tout? Je t'ai dit ça tout de suite. Oui. Tu peux remonter par là. Ok, ben du coup je vais regarder autour pour voir c'est quoi cette salle. J'ai de perception. Alors. Ça passe crème. Donc tu regardes autour de toi, il y a l'air d'avoir des plans chelous, genre un bureau, plein de cartes, ça a l'air d'être la carte du Netto, la carte de Javras. Il y a la carte du bureau d'Oriog, mais c'est pas exactement celle que tu pensais. Non, je crois que c'est la carte de Javras. T'as des, tu l'as piqué à Richult. Des notes, mais comme Ran écrit très très mal, tu ne comprends pas trop ce qui est noté. Jet de perception. Tu peux refaire un jet de perception. Déjà, est-ce que je peux prendre la carte des bureaux d'Oriog? Parce que je suppose que c'est celle où il y a... tous les... Il y a l'air d'avoir des trucs en plus, c'est ça? Ouais, la carte que tu viens de choper, c'est la carte de l'intérieur des sous-sols en détaillé. Ah, cool. Donc, pour te la décrire vite fait, la salle où tu es, il y a écrit « Salle préparation plan ». Ouh. À côté de toi, t'as une salle fermée où il n'y a rien de noté. Donc à ta droite, t'as une salle fermée qui prend tout l'avant, qui a l'air d'être rien noté. En face de toi, t'as les ressources oubliées d'Oriog. Dans la salle qui est juste à côté, si tu ressors, c'est le contrôle des pales, ensuite du vide, et t'as les archives de l'organisation, et après c'est la partie que vous connaissez du sous-sol. Ok. Je fais un jet de perception pour essayer de déchiffrer les notes de Ran. Sachant que là, je te mets un giga malus, si tu fais plus de 30, ça passe pas, parce que c'est vraiment très dur. Ok. Oh j'y crois pas. Grave. Combien t'as fait? Est-ce que Jaffre a déjà raté un jet depuis le début de l'aventure? C'est que des réussites jusque-là. Qu'est-ce que tu as fait? Il a fait combien? ce plan a l'air très étrange. C'est, tu vois qu'il y a une espèce de contrôle que Ran a pris dans la salle de pilotage de la salle de radio d'Oriog, où elle a l'air d'avoir révoqué tous les accès de tout le monde, donc il n'y a qu'elle qui a accès à ça. Il y a des arrobas partout notés en mode avec soulignant tout, s'en inspirer. Et le plan du Netophonix est vraiment gribouillé de partout. T'as l'impression qu'elle va essayer de faire quelque chose au Netophonix. Je crois que tout est clair. Ran essaye d'organiser un anniversaire surprise à Johnny. étrange tout ceci. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Ben du coup, je garde les notes avec moi. Ah si, oui, pardon. Tu vois que là, le planning de ce soir, à peu près, pour Ran, tu n'as pas encore les grandes lignes. Tu vois qu'elle a une réunion très importante à... Ah, c'est à quelle heure qu'elle a sa réunion? À 23h15, elle aura une réunion très importante dans le bureau de l'admin. Okay. C'est souligné trois fois. Et la salle de pilotage et la salle de radio, il y a un message qui l'attend. Ok. Voilà. C'est 23h15 la réunion, c'est ça? Ouais. Ok. Je prends tous les plans et toutes les notes avec moi. Mm-hmm. Et je vais essayer de remonter. C'est lourd, donc tu as un malus de moins 10. Oh, c'est très lourd. Et tu fais un malus de moins 10, c'est un bonus de 10. Parce que moins par moins, ça fait plus. Oui, excuse-moi. Un malus de 10. Et tu fais un jet de constitution. C'est chaud, tu n'as que 10. Ouais, fou. Oh putain. Tu commences à grimper, tu glisses, tu retombes. Tu es triste. En effet, je suis très triste. Voilà, tu perds un point de santé mentale RT. Parce que tu es triste. Oh putain, c'est triste. RTC, c'est triste. Quand tu ça. Anya. Oui. Tu es du coup dans les toilettes. Ton pipi oui. A été très bon. Tu te sens plus soulagée. Voilà. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah moi, j'ai entendu le boucan dans le couloir. Je me demande ce qui se passe. Du coup, tu veux y aller? Je vais dans le couloir. Je fais. Y a quelqu'un? J'ai entendu la porte claquer et tout. Je m'inquiète. Je me dis qu'est-ce qui se passe pour le coup. D'accord. Tu entends que Ran est dans la salle de radio. Elle te grommelle un. C'est bon, c'est bon. Assez énervée. Ça te surprend. Bah oui. Qu'est-ce que moi, je me dirige sur la porte, je fais « Ran, ça va pas ?» Fais un jet de charisme pour voir si ta choupitude gagne. Est-ce que j'ai de la choupitude? Je pense que oui. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ta choupitude ne gagne pas. Ouais. Ran ouvre la porte et te dit « Mais pourquoi t'es pas en train de bosser? Allez, zou !» Et elle referme la porte. Zou. Tu as juste entendu pendant que la porte est ouverte des bip bip et un message qui est en train de se faire supprimer. Je reste là pendant 5 bonnes secondes. En mode oui, d'accord. Je cherche un peu quoi faire là pour le coup. Elle m'a un peu déstabilisée. Est-ce que tu veux faire un jet, je sais pas, d'intelligence pour comprendre ce qui se passe ou de perception ouais. Pour essayer d'entendre plus ce qui se passe? Oui, voilà, sur le coup, ouais, je me sens pas. Bouger, du coup, j'ai. Alors, donc, c'était un jet de perception, c'est ça? Ouais, ouais. La perception, donc tu colles ton oreille contre la porte en te demandant ce qui se passe. Ouais, c'est ça, complètement. Et tu entends un message. Attends. Anya, je t'envoie un truc à écouter dans tes MP. Oh mon dieu. Ton tour s'achève là, je te laisse écouter et digérer l'info et on revient à toi après, ok? Ok. Grushkov. Attends, pardon. Du coup, oui, pardon, Drag, c'est à toi, du coup. Tu es dans les sous-sols. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais bien être dans les archives, dans un petit endroit que je connais, récupérer une petite clé. Eh ben, écoute, tu vas à droite devant, cet endroit que tu connais, voilà, pouf, pouf, t'as la clé. Et j'aimerais bien me diriger vers là où se s'ouvre la... Enfin, là où je peux avoir accès à ce couvre, cette petite clé. Bah, tu as accès aux archives, hein, les archives, c'est grand ouvert. Oui, non, mais je veux dire, aller, maintenant que j'ai la clé, j'irais bien pouvoir aller là où... Ah oui. Sauf que tu sais où se situe cette zone avec la petite clé? Oui. Tu sais derrière quoi ça se situe? Oh. Donc... Ah Une info secrète. Ouh, mystère. Donc, est-ce que tu es remontée, là? Je réfléchis. Tu as la clé en main. Non, mais non. T'as... Oui, tu sais que dans l'infirmerie, il y a des gens. Qu'est-ce que tu fais? Je sais, ok, j'aimerais bien pouvoir. J'aimerais bien pouvoir. Je cherche des yeux, un petit accès vers les conduits. Attends, dans les sous-sols, où est la clé de conduit le plus proche? Il me semble qu'il y en a un dans les sous-sols, mais je me trompe peut-être. Sinon, je remonte. Oui, tout à fait, t'en bouge pas, je regarde vite fait sur mes trop nombreuses maps. Oui, tu dois aller vers l'avant, côté projet non prioritaire, et il y a un conduit, mais il est sec. Il est très sec, il faut que tu fasses un jet de constitution. Ok. Préparez-vous. Donc tu me fais un jet de constitution. Ok, il faut que je fasse une réussite critique. Oh putain. Allez, ben, tu essayes de grimper et tu te vautres et tu es triste. Donc tu as perdu un point mental. C'est triste. Est-ce que tu veux tenter autre chose? Non, oui, je vais remonter par les escaliers. Par les escaliers cette fois, et je vais aller dans l'infirmerie. Très bien, ton tour va s'arrêter au moment où tu rentres dans l'infirmerie. Ok. Voilà, pouf pouf, Grushkov, il y a Drake qui vient de rentrer dans l'infirmerie, elle a l'air triste. Ah bah, super pour l'intimité, j'étais sur le point de faire un truc super intime, mais bon, c'est pas grave. Tammy est toujours là, hein? Oui, Tammy est avec son... Je suis déçue, là. Moi, je s'apprêtait à faire un truc intime. J'ignore complètement Drake pour l'instant, désolé. Je me tourne vers Tammy. Et je lui dis... Tu vois Drake, là? Drake est en train d'être triste. Mais je m'en fous. Il est temps de tout laisser tomber. Ran. Oriog. Golweed, Israd, Dawel. Faut qu'on abandonne tout. Tamika, je veux que tu te joignes à moi. On peut gouverner ensemble et ramener un nouvel ordre à la saga sphère. Je veux qu'il me fasse un jet de charisme. Déjà, voir si le bluff marche. Je sens que t'as un bonus de plus 10 là parce que franchement t'étais bon. Non. Échec critique. En non, fait, parce que j'avais plus 10. Non. Non. Pas 90 en charisme. Hein. Donc, pendant que tu t'es levé, tu as pris la main de Tamika. Comment Star Wars. Genou. Et tu avais oublié que t'avais un bobo. Tu l'as lâché, tu t'es roulé en boule et t'as fait « Merde, aïe, Oh non !» Tu te roules en boule en ayant très mal. Et comme tu as fait un échec critique, tu perds 2 points de santé mentale. Je lui crie « T'es rien, t'es rien !» T'es rien ? Attends, t'es rien en du genre « tu n'es rien » ou « t'es rien » dans le sens « habitant de la planète Terre ». Non, je lui dis « tu n'es rien, tes parents c'était des alcoolos et ils t'ont vendu, voilà !» Je suis complètement perdu, je sais plus comment. Tu deviens complètement hostile. C'est triste. Merde, c'est triste. Tu perds 2 points de charisme, tu perds 2 points de mental parce que là c'est chaud. Oui. Est-ce que j'ai le droit de profiter de Grushkov faire n'importe quoi pour glisser derrière lui et essayer d'aller vers le fond de la salle ou c'est chaud? Je vais attendre le tour de Tamika, d'accord? D'accord. On peut tenter. Tamika, non pas encore, pardon. D'abord, il y a Anowan. C'est moi. Anowan, tu es à moitié penchée vers cette salle étrange. Est-ce que RPIquement, on peut dire que j'ai mon téléphone? Oui. Je prends des photos de ce qui se passe dans cette pièce avec mon téléphone. Donc ouais, déjà. Donc ta photo concrètement, c'est... une fiole qui est en train de bouillir, des armoires pleines de liquides très colorés, et voilà. Et un espace très blanc et un bureau très coloré, tu dis ? Quelle couleur, par exemple ? Ah, ben il y a de tout, hein, du jaune, du rouge, du violet, du bleu. Alors, très clairement, ce qui se passe ici, c'est qu'on a quelqu'un qui a fait de la décoration avec du colorant alimentaire. Ok. Non, pas comme ça, la chimie. Qu'est-ce que je peux faire d'autres trucs de mon tour? Oui, bien sûr. Est-ce que avec le corps à moitié sorti du conduit d'aération, sachant que je crois que tu as dit qu'on est dans une pièce assez exiguë, je peux atteindre une fiole? Avec un gros jet d'agilité et ton bonus ne marche pas. Je te mets même un malus de 10 parce que là c'est vraiment chaud patate parce que tout était assez instable. Tu risques de faire tomber une armoire. je range mon téléphone portable dans ma poche avant d'essayer de faire ça. ouais, par contre, c'est, en fait, Tamika, il va falloir me laisser le clavier. Ah oui, pardon. Si tu veux que je fasse un jet. Mais je suis distrait par l'ennemi. Où est, on est dans la salle 2D. Hop, voilà. Merci. Oh. Ça passe. Donc, habilement, tu as réussi à attraper une fiole. Quelle couleur ? Rose. Clairement du colorant alimentaire. Ça a l'air d'être un mélange assez instable, faut pas que tu la secoues trop. J'ai besoin de faire des jets de dés, ok. ça a l'air assez instable, il faut pas que je secoue trop. Désolé, c'est pas à toi que je parlais. Ok, et bah je vais repartir dans le conduit de narration. D'accord, où est-ce que tu veux avec aller avec mes preuves photographiques et manuelles. Après, juste, je me permets de noter que vous avez complètement perdu de vue le fait qu'il y avait un zoom à attraper. Trop de trucs bizarres. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes en train de faire de tous les deux, hein, je veux pas dire. Mais voilà. Moi, je voulais qu'on fasse une grosse alliance tous ensemble, mais c'est un peu foutu là. Et ouais, c'est toi qui as rajouté un scénar aussi. Hein. Ouais, mais je m'attendais pas à ce que vous lui regardiez vraiment en fait. du coup, tu ressors de ce petit conduit, ce petit accès. Gauche ou droite ? Alors, laisse-moi reprendre le plan des conduits de narration. Ok, j'étais par là, mais dans un truc qu'on n'a pas vu. Je vais retourner sur mes pas, si c'est possible. Bien sûr. Et tu avais dit que à mon ancienne gauche, donc à ma droite, il y avait un accès plus proche que l'accès par lequel je suis entrée dans les conduits d'aération, qui donne tout simplement sur une salle de réunion ou un truc comme ça. C'est la salle de rangement de matos qui est juste à côté. Est-ce qu'elle est ouverte traditionnellement ? Enfin, elle est pas vissée, quoi. Tu peux juste soulever la plaque et sauter, si tu veux. Non, je veux parler de la porte de cet espace de rangement. Oui. La porte d'entrée. Oui. La porte d'entrée est traditionnellement ouverte. Oui, oui, c'est un moulin avant cet endroit. D'accord. Je ressors par là. Ok. Et je regarde vite fait s'il n'y a pas un zoom H2 de secours sur les étagères avec un jet de perception. Et ça va être la fin de mon tour, je pense, parce que ça commence à faire beaucoup de trucs. Ouais. Vas-y, fais un jet de perception. C'est raté. Là, en fait, concrètement, ce qui se passe, tu perds 2 points de santé mentale et tu es perdu. Genre, il y a 2 étagères, mais c'est trop. Tu es perdu. Tu n'arrives plus à sortir. Non, mais franchement, c'est crédible. Tu es piégé dans la salle de rangement. D'accord. Voilà. C'est au tour de Tamika. Tamika, il y a eu une déclaration magnifique de Grushkov qui a bidé et Drag est là. D'accord. Je me retourne du coup vers Drag et je suis en mode « Qu'est-ce que tu veux ?» Hein ? Il me semble que j'avais laissé quelque chose en infirmerie. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un taper, je crois qu'il y a une infirmerie. Ok. Je l'ai croisé dans la salle repos, Agnès va te parler. Je fais pas attention à Grushkov. Je suis par terre. Il y a un jet de charisme. Grelaga. Voir si le bluff passe. Grelaga. Tu as fait combien ? 56 ? Tu as combien ? Charisme. C'est dommage, ça passe à pas loin. C'est dommage, tu avais une compétence que tu n'as pas activée. J'hésitais. Quel dommage. Donc ça ne marche pas. D'accord. Du coup, Tamika, ta réaction vite fait. Du coup, tout le monde te ment dans cette salle. Je suis extrêmement vénère parce que genre Grushkov, je le croyais sincère et il vient de dire que mes parents étaient alcooliques et que je ne vaux plus rien et que du coup là il y a Dregnail que je pensais être mon ami et qui vient de me mentir et du coup je balance du spray antiseptique dans les yeux de Dregnail. Non, t'as mis... Oh oui, c'est pas moi. Drag, tu me fais un jeu de prostitution et d'agilité. Putain, mais je vais les rater. Les deux ? Les deux. Putain, je vais rater ça, ouais. Je te laisse une double chance de t'en sortir parce que c'est violent, quand même. Putain. Donc, 48, constitution, ça passe pas. Et agilité, 92. ça passe pas. Du coup, tu te manges de l'antiseptique dans les yeux. Tu perds 5 points de santé mentale. Okay. Est-ce que tu mets à jour la fiche de perso ou je vais mettre à jour ma propre fiche? Je pense que... J'ai une fiche à côté où je la mets à jour. Je mets à jour tout pour vrai. Ok. Donc, tu te roules par terre. La vie est nulle. Putain, tu es très triste. juste, est-ce que tu peux me faire un jet de chance là-dessus? Oui, qui, moi? Oui, toi. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais tomber la clé. Oh non! La clé est par terre. Grishkov t'a mis une clé et par terre. Voilà. Anya, initiative pour savoir qui la ramasse. Grave. Pouf pouf. La fin du tour est terminée. Donc, ce sera à votre prochain tour qu'il y aura initiative pour voir qui la ramasse. Anya, pendant la fin du tour, c'est le tour de Ran, là. Ran ouvre la porte. Elle te voit. Elle te jette un regard noir. Elle te fait « Qu'est-ce que t'as entendu ?» Je sais pas. Fais un jet de charisme. Je sais pas. D'accord. Ça passe pas. Ran te regarde et te fait « Qu'est-ce que tu as entendu ?» La France veut savoir. En quoi c'est un problème ? Stagiaire. C'est plus des stagiaires en plus. Non, en vrai, je demande ça totalement innocemment. D'accord. Tu sens une vague de soupçons. Ran traverse la salle et s'enferme dans la salle de pilotage en face. Avec son zoom. Parce que elle l'a toujours. Juste comme ça. Voilà, donc. Pouf pouf. Jaffre. Oui. Tu n'as pas réussi à remonter. Mais il y a bien une... Ouais, en effet, c'est triste. C'est triste. Il y a une porte pour sortir, c'est ça, quand même. C'est ça, il y a une porte. Ouais. Bah, du coup, je vais prendre la porte. Bon, donc, l'autre, tu sors, t'as un grand couloir. Et du coup, ben, je vais juste sortir, du coup, du sous-sol. Tu vas en direction de la grande porte qui sépare les deux sections, c'est ça? Ouais. Ok, attends, je vérifie juste un truc. Est-ce qu'il faut une clé? Oh merde! Oui, il faut une clé. Oh, mais non. Je te rappelle que tu avais un élément secret. Oui, en effet, mais je vois pas comment ça m'aide en fait. Bah, il est du côté non connu, donc tu peux peut-être rattraper comme ça. Okay. Juste comme ça, je t'aide. Ok. Fais-moi un jet de perception. GG. Alors que tu es en train de secouer la grille qui sépare les sous-sols connus et l'endroit sombre et poussiéreux où tu es tellement triste, tu te rappelles que c'est vrai, tu es resté stagiaire tellement longtemps que tu étais frustré de ne pas avoir ton propre bureau. Tu t'es installé un bureau dans un creux dans les archives projet en face. Ah, donc, c'est accessible des deux côtés. Stagiaire OP, please nerf. Et ben du coup, j'y vais pour. Mais il faut un remonter. C'est ça, mais il faut un jet d'agilité parce que c'est. Oh merde. Attends, 2 secondes. J'ai combien en agilité? Ah si, c'est bon. Et 7 et 3 font 10. Cool. Et 85, ça passe. Donc tu es dans les archives projet. Tout va bien. Tu vas pouvoir remonter au prochain tour. Très bien. Ensuite, nous passons à Dreg. Dreg, ça pique. Je peux essayer de récupérer la clé désespérément. Alors du coup, Tamika, Drag, Gru, vous me faites un jet d'initiative. Ah. Yes. Yes. Attends, oui, attends. Anya va pas tarder à nous quitter. Désolée. Du coup, Drag. Tu récupères la clé, in extremis, tu la planques sous toi, tu te roules en boule, ils ne pourront pas la récupérer. D'accord. Est-ce que tu veux faire autre chose? J'imagine que si j'essaie toute action dans mon état, j'ai un malus. À quoi qui se passe? Ça dépend où est-ce que tu veux aller. J'aimerais bien aller dans le fond de la pièce. Va falloir courir, tu me fais un jet d'agilité et t'as un malus de 10, c'est chaud. Putain, je te mets un malus de 5 parce que de base en agilité t'es pas bien fort quand même. J'ai jamais y arrivé. Allez, vas-y, tente et tout. Est-ce que je peux pas tenter autre chose? Attends. Je supplie Tamika de m'épargner Non, Tamika, s'il te plaît, ne fais plus ça. Tamika, tu me fais un jet de perception. Tu bug it à fond. Il te... Drake te fait trop pitié. Ça te rend triste. Tu regrettes ton geste. Oh, un chat. Drake, tu peux te relever. Tout va bien. Ok, c'est trop mignon. Moi, je me mets à pleurer au sol. C'est trop mignon. Ça me rappelle Kylo Ren. Donc bon, vous êtes tous les trois à pleurer, Tamika parce qu'il s'est fait apitoyer, Grushlof parce que ça te rappelle Kylo Ren, et toi à cause de Drake à cause de l'antiseptique. Ensuite, Anya, tu es seule dans la salle. Tu sais que Grushkov et Tammy sont dans la salle de l'infirmerie. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je me dirige vers la coin de l'infirmerie parce que je suppose que je les entends. Oui, donc tu arrives et tu les vois tous en train de pleurer. Ils sont assez pitoyables. Oui, je cherche un peu pour trouver Tammy et je le chope par le bras parce que je veux l'embarquer à part. Ok. Donc Tammy, tu es soudainement à l'extérieur de l'infirmerie. Anya, je suppose que tu fermes la porte derrière toi pour être tranquille. Oui, je ferme la porte. Voilà. Donc, je cherche même une autre pièce pour être sûr qu'on n'entende pas. Tu vois. Bon, bah, je vais considérer que vous êtes dans la salle du dortoir qui est juste en face. Voilà. Donc voilà, Tamika, vous êtes seule. Qu'est-ce que tu fais, Anya? Désolée, Tammy, mais il faut que je te parle. Il se passe un truc très bizarre. J'ai entendu Ran sortir de son bureau, elle a claqué la porte. Donc je suis allée la voir et tout, je voulais voir ce qui se passait. Et puis elle m'a parlé vachement sévèrement, tu vois. Et j'ai entendu un truc bizarre de l'autre côté de la porte, donc j'ai voulu écouter. J'ai entendu... Je sais pas trop compris ce que c'était, mais je crois que c'était la voix de Johnny qui essayait qui c'était un message enregistré ou je sais pas quoi, donc j'ai pas trop compris, mais ça parlait de Ran et du Netto. Donc juste après, Ran est sorti et elle m'a fait flipper. Donc je voulais juste te prévenir parce que j'ai un peu peur de ce qui va se passer, donc je voulais qu'au moins quelqu'un d'autre soit au courant. Mmh. Voilà. Très étrange. Je te le fais pas dire. Mais elle avait l'air vraiment vénère. Ouais. Enfin, elle l'a pas crié ou quoi, mais tu vois, genre le regard noir typique. Ben voilà, je l'ai senti. Alors, j'ai préféré pas alimenter quoi. Ouais, t'as bien fait. Faudrait peut-être que j'aille vérifier ce qui se passe. C'est quand même louche. Ouais, sois prudent parce que j'ai pas envie qu'elle... Et il est temps que moi, son héros, intervienne. D'accord, si tu vois Anouane, tu peux la mettre au courant. Parce que moi, perso, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir continuer comme ça. Il y a Richoul qui m'a appelé, il m'appelle chez Javras, tout ça, pour plein de conneries, et il faut que j'y sois. Mais pour de vrai ou pour du bluff, genre tu dis ça pour que l'équipe ils se disent « Ah là là, Anya n'est plus là, mais en vrai, t'es encore là. » Non, je dis ça pour de vrai, parce que déjà, de base IRL, je vais vraiment me coucher, et du coup, j'essaie de donner une excuse RP. Très bien vu. Ça va donner un avantage à ton équipe, du coup. Voilà. Donc on va considérer que tu restes dans les dortoirs, et que... Ou non, tu redescends et tu vas chez Javras. Ouais, je redescends, je vais chez Javras, et je vais... Je suis désolée d'abandonner. Et préviens Richoul, du coup, qui se passe un truc bizarre. Parce que je suis une qui change de rôle. Mais bonne nuit. Bisous. Bonne nuit. Bonne nuit, bisous. Ran, je te fais des câlins de lapin quand même parce que je t'aime bien. Ah, des gros câlins aussi. Ce n'est pas du tout vrai, Ran, je t'aime, je ne serai jamais énervée contre toi. Allez, des bisous tout le monde. Des bisous, sors bien. Bisous. Donc... Tamika, vu que cette info est désormais en ta possession, je te laisse un tour supplémentaire pour gérer ça. D'accord. Quelle info ? La question, c'est est-ce que je pense que, le fait que Ran se comporte bizarrement, c'est un truc pour encore plus niquer l'équipe adverse, ou au contraire, c'est un truc qui devrait nous unir et aller au-delà de notre querelle. je ne peux pas te conseiller parce que je suis enfermée dans un... Enfin, je suis enfermée dans ma tête, dans un placard qui, lui, est ouvert. Ah oui, tu as raison. Eh bien, du coup, je vais aller chercher la sagesse d'Oriog, c'est-à-dire Anowan. Mais tu sais pas où je suis ? Tout à Moi, fait. Je suis là. Oui, mais toi, tu m'as dit que mes parents, c'était des alcooliques et qu'ils ne m'ont jamais aimé. Mais je dis ça parce que je t'aime. Mais... Amika, fais un jet d'intelligence pour voir si par le sacro-saint esprit de Israd, tu détectes où est Anowan. Et parce que tu connais la salle par cœur. Oui, c'est bon, tu connais l'endroit par cœur, tu connais Anno, tu imagines très bien ce qui s'est passé, tu sais très bien que le plan était d'aller dans la rotulation. Tu fais à tous les coups, elle s'est cassée la gueule quelque part par ici. Tu sors du dortoir et en allant en chemin vers l'espace travail commun, bah, tu entends Anowan en train de faire « Mais putain, mais elle est où la sortie ?» dans la salle de rangement. Cette imitation d'Anowan était plus vraie que nature. Et bien du coup je rentre dans la salle de rangement et je fais Anowan, il y a un problème. Mais de toute façon, sachant que le message que Anya t'a transmis, il est toujours dans la salle radio. Vous pouvez le rejouer à plusieurs si vous voulez. D'accord, très bien. Mystérieux. Et essayez d'attraper ce zoom, c'est l'histoire pour s'il vous plaît. Mais l'autre plot est beaucoup trop intéressant, attends. Ouais, je suis désolée, mais j'ai pas assez de scénar pour tenir, moi. Donc, tu as trouvé Anowan, est-ce que tu lui transmets le message? Ou alors non, je reviens au tour prochain, peut-être. On fait ça. Bah ouais, peut-être. Ouais, du coup, pouf. Grushkov, tu es seul avec Dreg. C'est des retrouvailles, des semi-retrouvailles Goldweed. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas le temps, Dreg. Je te rappelle qu'on a un zoom à choper. Si tu veux, tu me suis. Mais moi, je vais courir directement dans le bureau d'administration. Avec un peu de chance, Ran y sera encore. Je sais. Complètement à côté de la plaque. Je sais. Comment dire? C'est le moment de te révéler mes trucs. Derrière l'infirmerie, il y a un bureau, un labo, c'est le mien. Et j'ai plein de filtres à la con. Et je suis sûre qu'on peut les utiliser pour faire chier l'équipe adverse sans qu'on récupère le zoom. Et même Ran, s'il faut, on lui balance un filtre à chip, elle ira se chipper avec je sais pas qui, on récupère le zoom. Ah ok, moi je pensais en fait aller capturer Ran et la ramener contre son gré ici. Et puis choper le zoom et puis je sais pas, se débarrasser du cadavre. Tuer la mine parce que j'en ai quand même un peu besoin, mais j'aime bien l'idée. Est-ce que je pourrais quand même aller récupérer mes fioles juste au cas où on pourrait en avoir utile? Ah non, mais oui, vas-y, moi je vais courir et je vais essayer de choper Ran pendant ce temps-là. Et toi, tu t'occupes des autres blaireaux là, je sais pas ce qu'ils font. Oh, ok, je vais essayer j'ai toujours des chats donc, qui traînent dans les blaireaux. L'autre fils d'alcoolique là. Ça m'agace, mon chat ne s'est pas pointé au bon endroit au moment, à la dernière fois. Mais ok, je vais aller chercher mes fioles et on se retrouve. S'il te plaît, ne fais juste pas trop de mal à Ran. Non, mais je vais lui faire des câlins, mais juste. Je te rappelle que moi je suis très fort, je peux soulever des trucs lourds. Et comme Ran n'est pas très lourd. Je sais pas comment le prendre, mais merci. Ok. Bah, on fait ça. Je vais essayer de divertir encore les trois autres, les trois Auguste. Par contre, est-ce que tu sais où est Jaffre? Non, mais je croyais qu'il était avec toi. Ah! Écoute, de toute façon, je sais pas, moi, Jaffre a disparu en plein milieu de du tout début de la... Bah, j'ai présumé qu'il était parti essayer de choper le zoom en scred, mais bah, j'espère qu'on va le revoir vite. J'espère aussi. Vous avez perdu Jaffre. C'est stagiaire. Écoute, je ramène Ran ici, je lui mets un gros taquet derrière la tête pour l'endormir, et puis je vais chercher Jaffre. Ok, j'adore ce plan. Ça va? Bon, bah, je cours, je sors et je cours vers la... Le bureau d'administration ? Vers le bureau d'administration. Ouais, alors, après, ouais. Discret, hein. Donc, tu burstes vers le bureau d'administration. Tu rentres dedans, c'est ça ? Ouais. Donc, bah, la salle est vide. Il n'y a pas de zoom ici non plus. Par contre, à travers la vitre, tu vois que dans la salle de pilotage, t'as Ran qui est en train de bidouiller des leviers. Tu fais un jet de perception, s'il te plaît ? Oh, merde. Putain, j'y étais presque. Tu vois Ran en train de bidouiller des manettes, tu comprends rien à ce qui se passe et tu supposes que c'est pas important. Ok. Voilà, ton tour s'achève ici. Ok. Parce que la salle de pilotage est verrouillé, donc il faudra plus d'items pour... Ouais, mais justement, j'avais un plan. Quel était-il ? Vas-y, vite fait. Bah, je peux soulever des trucs super lourds et il y a une table. Prochain tour. Hein. Prochain tour. Ok. Tu vas pas abuser non plus. Anowan. C'est moi. Tamika t'a retrouvé. Tu n'es plus perdue. Je ne suis plus perdue. Mais est-ce que je suis toujours dans mon malus, dans mon débuff, dans mon état négatif? Tu ne peux plus t'orienter sans être dans le dirigeable pour ce tour-là. D'accord. Je vais. Ce que je propose, c'est de faire un jet de constitution afin d'utiliser le pouvoir du yoga pour sortir de ma crise de panique. Ça marche, vas-y. Pouf, constitution, donc toi, 60, ça passe. Tu es sorti de ta crise de panique, tout est beaucoup plus clair dans ta tête. L'orientation n'est pas encore tout à fait claire, mais c'est bon, ça va mieux. Tu sais où tu es et tu sais qui est en face de toi, c'est-à-dire Tamika, qui a l'air inquiet. Mais Tamika, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu fais dans un placard ? C'est vrai que je suis sortie du placard récemment. Il n'empêche que j'ai croisé Anya, apparemment il se passe un truc louche avec Ran. Faut qu'on aille checker ça dans la salle radio. Tu viens avec moi ? Attends, j'avais oublié, j'étais là pour voir s'il n'y avait pas un zoom H2. Ah oui, sur les étagères. Tout à fait. Est-ce qu'on peut regarder rapidement qu'il y a un zoom ? Vas-y toi, moi je me suis ratée. Tammy, tu peux faire un jet de perception. Ça tombe bien, vos tours sont côte à côte, vous pouvez les faire ensemble. Nice. Ça passe pas. C'est dommage. Non, vous faites le tour des salles. Et au moment où vous sortez, vous faites « Ah là là, quel dommage quand même que sur aucune de ces étagères, il y a un zoom H2 » et vous dites ça pile au moment où vous passez à côté d'un zoom. Voilà, vous êtes sorti. Ah, oh, attends, j'ai oublié, tu sais pas ce qui m'est arrivé ? Quoi ? Mais non, je ne sais pas. Ok, j'étais allée dans la ventilation. Ouais, c'était le plan, ok. Ouais, je sais pas comment on a fait un plan alors qu'on a décidé du heist il y a 2 heures, mais c'est pas grave. T'es caté, on se connaît. Bon. On se connaît bien, on se connaît par le pouvoir de la télépathie. Ouais. Donc ouais, j'ai trouvé une pièce qui n'existe pas sur le plan du dirigeable. Mm-hmm. C'était un genre de laboratoire ou alors c'était une cuisine industrielle, je sais pas, en tout cas il y avait du carrelage blanc et dedans il y avait des fioles de colorants alimentaires comme celle-ci que j'ai sur moi. Est-ce que je peux faire un jet d'intelligence sur ma connaissance d'Oreyog? Oui. Attends, j'ai perdu la salle des dés. J'espère que ça va passer, comme ça on va pouvoir vanter ton intelligence naturelle. Exactement. Hop. tu te concentres, tu perds 3 points de mental. Et globalement, tu fais quand j'étais bourré. Et voilà, tu prends la fiole, tu la mets à la lumière et tu fais attends, je vais piger. Tu la secoues, elle explose dans ta tête. Et soudainement, tu regardes Anowan et l'amour remplit ton cœur. Cette personne est la femme de ta vie, il faut que tu lui dises maintenant. Oh, wow. C'était un filtre à chip. Et je savais en plus, c'est totalement évident que c'était un filtre à chip. À l'instant où tu as dit c'était un filtre rose, j'étais en mode c'est Drake qui a fait des filtres à chip. Ouais, je tiens à signaler que Tamika m'a dit avant même que Drake atteigne l'infirmerie, un truc du genre mais attends, ça se trouve le laboratoire en fait il est pas à Ran, il est à Drake, et si ça se trouve les filtres, les conneries, c'est des filtres d'amour pour faire des chips. Oh putain, je suis sûre c'est ça. Et c'était ça. Donc voilà. Intelligence naturelle de Tamika. Ah putain. Oui. Voilà. vas-y, déclare ton amour maintenant, Tammy. Eh bien, Anowan, depuis ton arrivée à Oreyog, enfin depuis mon arrivée à Oreyog, oh là là, tout ça me perturbe tellement cette histoire. Eh bien voilà, je sens que tu sais, depuis le début, je fais croire que c'est Grushkov, l'homme de ma vie, mais non. C'est toi. Ça a toujours été toi. Fais-moi un enfant, même si c'est biologiquement très compliqué. J'ai 3 choses à dire. La première, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir dans le pouvoir de la science. La seconde, c'est que, comme je te l'ai déjà dit, ce n'est pas grave d'être hétéro. Et la troisième, c'est que j'aime bien la façon dont tu me grattes la tête. Et que je suis prête à voir où ça peut nous mener. Mais d'abord, est-ce que je peux faire un jet d'intelligence pour voir si je comprends que c'est la faute de la potion magique ? Vas-y. Tu comprends. Alors, de louche. D'un seul coup, je fais machine arrière parce que ça vient de perturber ma notion du consentement. Ok. Et du coup, que dis-tu ? Ok, très bien. On passe à Jaffre, donc. Jaffre, pendant ce temps, toi, tu viens de réussir à te faufiler très difficilement vers les archives projet. Ouais. Tu es entouré d'archives perdues, tout ça. On a un peu marre de toute cette histoire, ça fait quand même un petit moment, ça va faire près de 2 heures que tu es dans les sous-sols chelous. Qu'est-ce que tu fais ? Je remonte. J'aimerais retourner. Tu remontes, tu es de retour à l'étage, dans le stockage temporaire et l'accès sous-sol. Tu sors, je suppose, dans le couloir. Oui, voilà. Et tu tombes sur Tamika et Anouane qui sont en train de faire une déclaration d'amour très chelou. T'as l'impression que c'est pas complètement consenti. Et oui, en même temps, c'est bizarre. Que fais-tu ? Je fais un gros détour pour les éviter. Je me faufile derrière. Où est-ce que tu vas maintenant, du coup ? Du coup, je vais à gauche pour aller, je sais pas exactement, mais vers la salle pause en tout cas. Ok. Au moins. Eh bien, tu vas dans la salle de pause tranquillement. Fais-moi un jet de perception. C'est bon ? Ouais. Attends, je vérifie, c'est vraiment bon. Oui, c'est bon, ça passe. Tu as fait un très bon jeu de perception. Et tu vois que dans la salle, juste en face de toi, avec une vitre, que dans le bureau d'administration, tu as Grushkov qui regarde la vitre et qui regarde la table en boucle. Ça me ressemble bien, ça. Je fais des mouvements à Grugru à travers la vitre. Grushkov, rapidement, tu me fais un jet de perception. Et après, on viendra à ton tour pour voir ce qui se passe. Comme par hasard, la seule fois où ça marche, c'est la fois où je ne voulais pas. Donc, tu as, tu as l'attention de Grushkov. Qu'est-ce que tu fais ? Bonne question. Très bien. Eh bien, vous vous retrouverez plus tard. Moi, je fais « Eh, mais j'ai trouvé Jaffre !» Je suis vraiment un génie. Donc, Dreg, c'est à toi. Tu étais où là ? Oui, t'es dans le labo secret, c'est ça ? Je suis dans l'infirmerie, je rentre dans mon labo secret. Et là, en fait, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Oh mon dieu. Et tu vas me faire un jet d'intelligence après. Alors, perception, ça passe. Intelligence, ça passe pas, c'est pas grave. Donc, c'est truc, je sais pas pourquoi. C'est ça. Donc, tu regardes tes étagères, tu te fais tiens, il n'y avait pas plus de fioles à la base. Et tu regardes un peu plus autour de toi, tu vois que sur une étagère qui a l'air d'être celle que tu utilises pour les résultats de fioles qui sont concrètement fiables et faites, il manque une fiole. Et de l'autre côté, sur l'étagère de tes fioles à tester, il en manque 3. Trois ? Trois. Trois ? Non, comment ça ? Comment ça, 3 ? Putain, les fioles à tester ? Oh non. Voilà. Quelqu'un est passé là. Oh non. Qu'est-ce que tu fais ? C'est Ran qui voulait offrir à Johnny pour son anniversaire. Est-ce que tu connais, est-ce que tu connais bien le contenu de mon laboratoire ? Moi, oui. Enfin, le personnage de Ran, oui. Le personnage de Ran ? Oui. Bien, même, c'est assez confus ce que tu fais pour Ran. Elle sait que c'est là-bas qu'on peut trouver des filtres à chips. Elle sait pas vraiment comment ça marche le reste. Est-ce que tu sais ce que j'ai comme autre filtre ? Mon perso ou moi ? J'ai pas d'idée. J'ai fait un échec de l'imagination là. J'aimerais bien récupérer un ou deux filtres à chip sur moi au cas où. Ok, il y en a. Tu récupères deux fioles roses et si possible, les plus stables pour pas qu'ils m'explosent en bougeant. Bon bah, t'en prends deux et tu perçois, mais tu ne comprends pas que c'est marrant, t'en avais trois avant. Oh non. Du coup, tu prends deux fioles, les plus stables, et la plus instable a disparu. Donc je sais que quelqu'un a piqué ma fiole, une de mes fioles. Tu n'associes pas aussi loin, tu dis juste tiens, elle a disparu. Ah voilà. D'accord, ok. Je prends une ou deux fioles à tester que j'ai jamais eu l'occasion de tester au cas où, les plus stables quand même, et je les prends sur moi et on verra ce que ça donne. Tu sais ce que c'est ou pas du tout? Je les prends au pif parce que je suis pressée, je voudrais retrouver Grushkov et Jaffre. Fais-moi un jet de perception pour voir si tu prends les plus intelligentes. 48, ça passe. Tu prends une orange et une violette. Ok. Donc attends, t'as pouf pouf pouf. Donc tu as désormais deux filtres à chip. Hop. Un filtre orange. Et un filtre violet. Hop là. Et tu pourras faire des jets plus tard avant de les lancer si tu veux essayer de voir si tu veux vraiment comprendre ce que c'est. Oui, je crois que c'est... j'ai eu des idées trop tard parce que je pourrais essayer de choper, mais c'est pas grave. Tant pis. Qu'est-ce que tu fais après ça? Tu ressors? Oui, je ressors et je vais essayer de chercher Grushkov et Jaffrou. Très bien. Alors tu vas dans le couloir et tu vois que Anoa et Tammy sont en train de se faire une déclaration d'amour. Est-ce que j'ai le droit de faire un jet de perception d'intelligence pour essayer de savoir ce qui se passe? Intelligence, vas-y. Tu te dis 83. C'est vrai qu'il fait pas mal à 83. Tu te dis que une nouvelle histoire d'amour, c'est mignon, faut surtout pas les déranger. Tu vas à gauche ou à droite? C'est fou, hein, la saga sphère, c'est vraiment pécholande. Hein. Oh, c'est trop mignon. Je voudrais aller derrière Yel et du coup j'essaie de les contourner comme je peux pour aller du côté place dans ce couloir. Des bureaux d'administration et tout parce que je sais que Grushkov est parti par là. C'est bon, bah tu arrives dans la salle de pause et tu vois Jaff qui fait des grands signes à Grushkov. Pour sa chave ici. Anya n'étant pas là, Israël, vous avez droit à un tour supplémentaire. Donc Tammy et Anno, qu'est-ce qui se passe? Ils se tripotent et puis c'est tout. J'ai une autre proposition. Sachant que Tamika a pris le tour supplémentaire précédent et que Tamika est actuellement sous l'effet d'un debuff stupide, est-ce que je peux prendre ce tour supplémentaire? Tu peux. Qu'est-ce que je vais en faire? Ça, c'est ton Alors, me souvenant de ce qui a été dit, je décide d'embrasser la griseur de cette situation. J'attrape Tamika par le menton et je lui dis « Si tu m'aimes, suis-moi. On va aller essayer de comprendre ce qui se passe avec Ran et ses problèmes-là. » Bah, du coup... Est-ce que je réussis mon jet de charisme, ce sera? T'as pas besoin de faire un jet, Tammy est amoureux. Bah oui. C'est oui. Et je sais pas si c'est... Non, je suis très débile quand je suis amoureux. En plus, ça colle avec ton objectif quand t'es pas amoureux. Non, c'est bon, vas-y. Je te fais pas de jet sur celui-là. Donc, vous allez vers la salle radio, c'est ça? Ouais, on va écouter à la porte. Alors, vous arrivez à la salle de pause. Par contre, attention, du coup, t'arrives à la salle de pause et tu vois qu'il y a Drag et Jaffre dans la salle de pause. Et tu vois à travers la vitre, vaguement, la silhouette de Grushkov qui repose une table. Comment ça repose? Préparé à la soulever avant. Je l'avais pas encore soulevée. Ah, c'est vrai. Donc, ok, qui s'écarte. Qui caresse une table. Ça, voilà. Je passe la tête par la salle de pause et je crie « Vous faites quoi ?» Ok, bon bah, on reviendra à ton tour après. Grushkov, tiens, tu as retrouvé Jaffre. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Hé, hey, Jaff, regarde, on a fait un super plan avec Drake. Tu vas voir, c'est trop bien. Je soulève la porte. Quoi? Il faut que tu ouvres la porte et lui parle à travers le couloir parce qu'il t'entend pas là. Tu vas juste articuler avec ta bouche. Donc est-ce que tu veux traverser ou tu veux juste articuler des choses et faire n'importe quoi après? J'ai fait un jet d'intelligence et j'ai raté. Donc bah ok. Tu articules sans réfléchir. Et Est-ce que je peux faire un jeu de perception pour essayer de lire sur ses lèvres? C'est parfait. Vas-y. Au revoir. Et ça passe. Très bien. On est la meilleure team. Du coup, Jaffre, jeu de constitution. Et tu utilises, je suppose, ton Super Saiyan. Ouais. Ok. Je soulève la table. Tu me fais un jet d'abord. Qui? De plus qu'un. Grugru. Boom. Ça passe, tu soulèves la table, vas-y. Et j'essaye de casser la vitre à travers laquelle je vois Ran. Ok, est-ce que tu peux faire un jet de chance? De chance. Mal, ouais, s'il te plaît. Ils vont tuer Ran. Voir si l'ordre de Ran passe avant toi ou pas. Yes. Ça c'est bon. Non. Tu pètes la vitre. Et je repose délicatement la table. Et Ran te fait « Mais qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que tu fous ?» Voilà. Zoom. Est-ce que Ran a perdu des points de santé mentale dans cet échange ? Ah, là, oui, 5. Je crois que je suis le seul qui a encore le max, non ? Ouais, je crois bien. On va gagner, en fait, c'est que Ran sera devenu dingue à cause de nous. Après, c'est... Comment c'est, il est pas au max ? Attends, je regarde Grushkov. Non, tu as perdu 2 points de santé mentale tout à l'heure. Ah, tout de même. Ah oui, en pleurant à cause de sa déclaration ratée. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Ran a perdu des points de santé mentale. Ran est énervé. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je saute à travers la vitre. Est-ce que tu as une action précise ou juste tu vas être dans la salle suivante ? Non, non, je vais dans la même salle que Ran et puis j'essaye d'attraper Ran. Ok, tu me fais un jet d'agilité. C'est là que ça va être drôle. Tu es fort, tu es puissant, tu viens de niquer cette vitre. Tu cours, tu prends ton élan, tu poses ta main sur la vitre pour sauter et c'est une vitre qui vient d'être cassée, tu t'entailles la main. Est-ce que je passe quand même de l'autre côté ou pas ? Non, tu retombes dans le bureau d'administration en faisant « Ah non, c'est un autre bobo !» Et du coup, attends. Et du coup, je fais « Ah, Ran, j'ai besoin d'aide, je suis blessé !» Viens vite, sinon je démissionne. Oui, il faut retourner. Oui, bravo. Attends, je fais un jet d'intelligence pour Ran. C'est le premier jet de Ran, félicitations. Donc, roll dice, 1, D, 100... Okay. Hey, je suis le premier sang de la partie, ok? Danger, je me foire. Donc, Ran te voit te voter. Je t'avais dit que c'était le meilleur plan. Ran est triste, Ran a peur, Ran est déboussolé. Ran saute et cette fois ne se foire pas vers le bureau d'administration, se penche vers toi, prend ta main dans les siennes et fait « Oh mon dieu, tu es blessé, attends, j'ai un bandage », en sort Ran de sa poche et commence à te bander en s'excusant en boucle en mode « J'espère que ça va, tu respires, tout va bien ». Ça va, mais j'irais mieux si tu me passais ton zoom. Est-ce que tu peux faire un jeu de charisme, sachant que t'as un bonus de 10? Merde. Ran est trop... Tout ce qu'elle a perçu pour l'instant, c'est que t'es blessée, elle ne t'entend pas. Elle fait juste « Ah, ça va !» Dans un... Très bien, ton tour est terminé. Tu viens d'assister à travers la vitre, en même temps que Jacques, Greg, à ce qui vient de se passer. Je vais faire un jet d'intelligence pour voir si je trouve quelque chose à faire de cette situation. Vas-y. Clairement, je viens de perdre au moins un point de santé mentale. Voilà, tu cours et tu viens t'occuper de moi aussi. Allez, viens. Mais un 100, tu perds 5 points de santé mentale. D'ailleurs, Ran, du coup, on a reperdu 5, donc elle est à 40 maintenant. Oh mon dieu. En fait, on va avoir la mine en lui fait perdre sa santé mentale, là. C'est ça, donc... Je savais que vous alliez niquer mon scénario. Mais forcément, TMJ, tu t'attendais à quoi ? C'est vrai. Du coup, bah, Anouan, tu bug et ton tour passe. Tamika, est-ce que tu peux me faire d'abord un jet d'intelligence pour voir si tu te libères du filtre à chip ? Ou si tu en fais quelque chose de cool ? Ah ! Tamika, tu es encore un peu sous l'effet du filtre à chip, mais tout ceci a l'air un peu plus clair dans ta tête. Tu viens de voir ce qui s'est passé à côté, tu vois Anouan qui bug, tu vois la tronche des gens, tu vois Grushkov qui est blessé et Ran devant, qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Sachant que Ran et Grushkov sont dans une autre pièce, mais juste la vitre, vous voyez ce qui se passe. Ok. Est-ce que, du coup, je vois... Est-ce que Ran a son zoom avec elle ? Non, il est resté dans la salle de pilotage. Qui est fermée à clé de l'intérieur. La salle de pilotage est fermée ? Ouais. Mais il y a moyen d'y aller par la vitre cassée. Oui, du coup, maintenant, oui. Tu run for it ? Par amour pour Anouan, tu veux rapporter ce zoom ? Non. Je regarde à Anouan et je lui dis « Je ne suis pas aussi agile que toi. Je te ralentirai. Je vais faire diversion. » Et donc voilà. Et donc du coup, je rentre dans le bureau d'administration et du coup, je vois qu'il y a Jaffre qui est encore la seule personne un temps ça peut saine de, enfin, de cette salle. Jaffre est dans la salle de pause. Je précise. Aïe, du coup, il était avec nous dans la salle de pause. Oui, il était avec vous dans la salle de pause. D'accord. Juste devant la vitre et à vous. Jaffre, écoute, là, il y a Grushkov qui est blessé. Faut absolument que t'ailles dans l'infirmerie pour lui chercher des bandages. Parce que, ben. Voilà, c'est ton staff de stagiaire. Tu comprends ? Tammy. Oui. D'abord, rappelle-toi que le premier move qui t'a fait tomber amoureux de Hanuman, c'est que pour la gloire du. Enfin, il y avait une inquiétude. Donc, est-ce que le zoom est vraiment dans ta tête à ce moment-là ? Fais un jet de perception. Ah. Il y avait déjà un jet d'intelligence. C'était pour voir s'il reprenait un petit peu de conscience ou s'il était juste en mode « Oh, tu es tellement belle quand tu es déboussolée. Okay. » Perception, ça passe pas, je crois, non? Non, ça passe pas. Ça passe pas, mais de pas grand-chose. Donc, ouais, tu peux juste... Faut juste que tu modifies ton discours. Est-ce que tout le monde aurait pas un malus de perception parce que j'ai pété la vitre et je me suis fait saigner et tout? Ça fait chier tout le monde, ça, oui. Donc, il y a voilà, de juste modifier ton discours. Du coup, par rapport à... Tu n'as pas le zoom en tête à ce moment-là. D'accord. Mais est-ce que j'ai de l'inquiétude envers Grushkov? Oui, je pense, oui. Grushkov, il est tellement blessé que mon amour à Nowan n'arrive même plus à réfléchir. Exactement. Et du coup, voilà. Il faut absolument que Grushkov ne soit plus blessé. Et donc, Jaff, s'il te plaît, aide-nous. Toi qui es toujours là pour nous, oh stagiaire, va vers l'infirmerie, va. Tammy, fais un jet de charisme, sachant que t'as un bonus de plus 5, là. Ouais. Ça passe crème, Jaffre. Est-ce que je peux faire un jet d'intelligence pour... résister. Ouais. Pour résister. Tu peux essayer. Ça passe pas. Ça passe pas. Je fais... Alors du coup je fais... Ah ! Oh mince, t'as raison ! Et je me barre vers l'infirmerie. Juste, on s'arrête là, au moment où tu vas vers le bureau d'administration pour attraper Grushkov. Et au moment où tu rentres, là c'est le tour de Ran. Ran est occupé à faire le bandage et à être en mode « Oh mon dieu, Grushkov, est-ce que tu vas bien ?» Et tu vois que sur le bureau de l'administration, il y a une fenêtre Skype qui s'ouvre et qui fait « Tut, tut, tut ». Donc un appel démarre. Tada. Jaffre, donc toi tu es sous le coup de « Je dois partir », est-ce que tu veux tenter une réaction par rapport à la Skype qui s'ouvre ? Ouais. Donc Jaffre, oui, tu as... Alors, sachant que tu as plusieurs contre-ordres, tu as le récupérage de Zoom, tu as... Grushkov, il est blessé, tu as comme ordre principal de sortir et tu as une fenêtre Skype. Je t'avoue qu'elle doit peut-être passer en troisième plan. Donc selon ce que tu veux faire, il va falloir décider un axe précis. Et tu auras un malus ou un bonus selon ce que tu fais. Alors mince. Je veux quand même essayer de choper le zoom. Vu que Ran est occupé avec Grugru. Ok. Fais-moi un jet d'agilité. Et ça passe quand même. Tu prends le zoom, tu le mets dans ta poche, tu attrapes Grushkov et tu sors. Oh yeah, baby. Voilà. Dreg, c'est à toi. Tu viens de voir tout ce qui vient de se passer. Est-ce que je peux essayer de faire en sorte que... Enfin, j'ai vu Jaffre prendre le zoom, d'accord ? Oui, il est dans son équipe. Tu te doutes de ce qui vient de se passer. Ok, est-ce que je peux essayer de faire en sorte que personne ne voit le mouvement de Jaffre et diriger l'attention vers un chat imaginaire derrière Ran ? Ça va être très très dur. Donc c'est une compétence. Oui, mais vu la situation, je te fais que plus 15. Que plus 5, pardon. Est-ce que je peux faire en sorte que le chat soit du côté de la fenêtre Skype en me disant... Est-ce que je la repère, la fenêtre Skype, en fait ? De ton côté, non. Tu vois juste que l'écran s'allumait à un moment. Est-ce que je peux, en me disant que l'écran allumé, ça peut être quelque chose, je fais le chat vers cette direction pour que Ran et les autres le voient l'écran allumé. Tu peux, donc tu as juste plus 5 en charisme, parce que là, c'est vraiment chaud dans la situation. Ok, allez, les dés, soyez avec moi. Ça ne marche pas. Si, ça marche, oui, bravo. Oui, ça marche. Merci de... Oui. Tout le monde, mis à part Jaffre et Grushkov qui sont en train de quitter la pièce, tout le monde, y compris Ran, regarde le chat imaginaire derrière l'ordi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tout le monde est par là, du coup, j'espère juste, je regarde si Jaffre et Grushkov arrivent à se barrer. Ouais, c'est bon, ils sont sortis là, ils sont sortis. Oh, c'est quoi cette lumière là? C'est Rani, il y a un truc sur ton écran. Attends, je fais un jet d'intelligence. Fais ça, s'il te plaît. Ça marche pas. Et ben, Rann, encore sous l'effet de son. sa surprise de tout à l'heure, fait, bah, c'est une réunion avec le lobby LGBT, t'es con? Et là, oups. Oh mon dieu. Ouais. Pardon? C'est une réunion avec le lobby LGBT. Bah, bah oui, vas-y, mais t'as pas. Ouais. Ton tour s'achève. Donc non. Vas-y, t'as juste une dernière question. Tu peux poser une question et ensuite la suite. Est-ce que... Oh, j'ai un plan, mais je sais pas si je pourrais le faire. Essaye. C'est une idée qui m'est venue en tête dans les filtres. Est-ce que j'aurais pu essayer de développer un filtre de vérité? Peut-être même que tu l'as dans la main. Oh. Mais est-ce lequel que... Est-ce que je pourrais essayer de prendre un de mes deux jets et le jeter à Rann pour que toutes les questions qu'on pourra lui poser à propos de cette réunion sur l'lobby LGBT soient répondues? Je peux te faire un jet de perception pour voir si tu sais que tu as le filtre en ta possession. Ok. Mais tu ne sauras pas quelle couleur est la bonne. Ok, donc ça va être un jet de chance ensuite, c'est ça? C'est ça, donc vas-y, fais un jet de perception. L'étiquetage, les enfants, l'étiquetage des flacons. C'est important. Tu te dis, hey, j'avais développé un filtre de vérité. C'est dommage que je l'ai pas en ma possession en ce moment même. Mais merde. Et voilà, donc qu'est-ce que tu fais? Tu as droit à une question du coup. Rann, c'est quoi cette réunion exactement? J'ai d'intelligence. 100. Oh non. Ça passe pas quand même. mais si, tu sais, c'est juste les réunions régulières avec le lobby. Ah, je suis tellement crédible. Non. Voilà, c'est pas un robot. Voilà, donc tour suivant. Voilà. Israd, du coup, Hanuman avait le précédent tour. Là, c'est toi, Tamika. Tu es en train de sortir avec... Non, c'est pas toi qui sors avec Grushkov. Tu es dans la salle et tu viens de réussir à faire sortir Grushkov et... Grushkov, j'étais pas au courant de ce ship-là. Pourtant, on n'arrête pas d'en parler tout le temps. Donc oui, Tamika, qu'est-ce que tu fais? Alors, attends. Du coup, là, moi, je suis dans la salle de pause. Oui. Oui. Mais du coup, j'étais pas distrait par le chat, non? Ah si, si, tu es complètement... Tu as regardé le chat, mais l'échange entre Drag et Rann t'intrigue peut-être. Ah non, maintenant vous êtes tous dans le couloir parce que vous êtes intrigués par le chat. Vous êtes tous dans le couloir après la salle de pause devant le bureau d'administration. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on a entendu cette histoire de lobby LGBT? Oui, tu l'as entendu. Ok. Et dans quelle mesure est-ce que je me souviens du zoom? Fais un jet de perception. Tu te souviens vraiment de l'existence d'un zoom à un moment quand même? D'accord. Bien, je demande à Anouan, mais il n'y avait pas une histoire de zoom à un moment donné? Anouan, tu peux répondre. Ouais, il y avait une histoire de zoom. On avait fait un pari en début de soirée pour récupérer le zoom de Rann et savoir quel univers de Israd ou Golweed est le meilleur, même si maintenant que j'y pense, c'était pas forcément le moyen le plus rationnel. Alors attendez, je fais un jet d'intelligence pour Rann qui entend ça. Pardon ? Vous avez fait quoi ? Je veux les détails, maintenant. Non, moi je veux les détails sur ces pseudo-réunions avec le lobby LGBT. Enfin, je veux dire, on est quand même tes vice et vertu président, on devrait être au courant, non ? Hein ? Un peu de transparence, bordel, carrément. Dans l'association. Est-ce que tu peux être un arc-en-ciel si t'es aussi transparent ? C'est un peu comme la licorne rose invisible. C'est une vraie question. J'en ai marre! Mais s'il vous plaît! Mais donne-moi ma crédibilité! Mental, s'il te plaît. Donc, Tamika, tu es désormais à 42 points de mental. Et du coup, tu as essayé d'être crédible, mais là, Rann te rit à la tronche et fait: attends, ici, c'est moi qui pose la question là. C'est quoi cette histoire de paris? Qu'est-ce que tu as fait? En quoi es-tu digne d'être vice-président si tu fais des paris sur les vols de mes affaires personnelles? Mais... Ton tour s'achève là, Grushkov. C'est triste. de sortir avec Jaffre. Dis donc, mais moi je sors avec tout le monde en fait. Sortir de la pièce avec Jaffre. Bah, moi j'avoue qu'en fait, je douille quand même de ouf. Et puis je fais. J'avais un super plan et tout. Et j'ai tout raté. T'inquiète, ça a très bien marché, regarde. Et puis je monte dans ma poche discrètement le zoom. J'avais dit que c'était le meilleur plan du monde. Qu'est-ce que vous faites maintenant, du coup, vous deux? Bah, je veux dire. Infirmerie, non? Moi, je vais. Ce serait bien que tu m'emmènes à l'infirmerie et que toi, tu disparaisses. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ce que je vais faire. Je veux dire, il nous reste moins d'une heure, donc. Très bien. Let's go, quoi. Donc, tu arrives dans l'infirmerie. Est-ce que tu peux même faire un jet de perception pour voir si tu arrives à te. Non, un jet d'intelligence pour voir si tu arrives à te soigner. Bah, c'est bon en intelligence, de toute façon, je. Oui, c'est bon, ça passe très bien. Tu es désormais avec un deuxième bandage et même que tu as eu le temps de mettre un petit ray dessus, du coup, ça va mieux. Ouais, et du coup, je pose ma main sur ma jambe et puis ils se font des bisous. Oh, très bien. Tu vas faire autre chose de ton tour ou on peut passer au suivant? Non, là pour l'instant, je vais reprendre un peu des forces. Ok, très bien. Anowan, c'est à toi. Est-ce que j'ai vu les magouilles de Jaffre pour aller récupérer le zoom? Tu peux faire un jet de perception. Mais normalement, tu as un malus supplémentaire de 10 parce qu'il y a eu la réussite du « Ah, un chat !» Ah, oh. Bien joué, ça passe. Tu n'as pas vu clairement ce qui se passait, mais tu as vu Jaffre mettre un truc dans sa poche avant de partir. Ran, tu nous as demandé des explications. Je vais tout te dire. Jaffre a volé ton zoom. Comment je te balance? Attends, je fais un jet d'intelligence pour voir. Jaffre, ninja no jutsu. Et du coup, Ran te fait « Quoi? Jaffre a volé mon zoom ?» Et elle part en courant. Est-ce que tu veux faire autre chose de ton tour pendant ce temps-là, vu que maintenant vous êtes seule dans la Alors, salle de pause? Maintenant que je fais autre chose de mon tour, est-ce que je suis suffisamment proche pour entendre le tout tout tout? Enfin, est-ce que j'ai entendu les histoires de lobby LGBT et est-ce que je peux aller répondre au Skype? Oui, tu peux. Eh ben, j'y vais. Enfin, tu réponds. Fais-moi un jet d'intelligence pour voir si tu comprends ce qui se passe. Et je vais faire un jet du côté des gens qui sont de l'autre côté du Skype. Merde. Et du côté des autres, ah, ça passe pas loin. Donc la fenêtre Skype s'ouvre, tu vois en face de toi trois silhouettes qui ont l'air étranges et très colorées, et des gens te regardent et font « Tu n'es pas Ran ?» Et comme tu as raté ton jet de perception, tu fais « Bah non !» Et ils ferment la conversation. Sachant que vous avez d'autres éléments. Mystérieux. Alors, avec une conversation Skype, il y a forcément un chat textuel et un groupe qui existent, donc je les rappelle. Fais-moi un jet de charisme. Ça va pas passer, mais ça va aller le coup d'essayer. T'essayes de rappeler, il bloque la conversation et te bloque tout court. Et est-ce que, genre, t'as... Voilà. Y a un historique chat? Oh, non, l'historique du chat. Cette conversation, enfin ce channel-là, ne sert que pour les conversations audio, il n'y a aucune trace écrite. Zut, ma stratégie était presque parfaite. Oui, du coup, Tamika, d'ailleurs, c'est ton tour maintenant. Tu viens de voir l'échec cuisant auquel vient de faire face Anno. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Où en est mon crush sur Anoan? Fais-moi un jet d'intelligence pour voir si ça va mieux. Ah, ça va pas mieux, hein. Ça va pas mieux. Parfait. T'es pas très loin, donc tu vois clair, mais c'est juste que t'es amoureux, quoi. Mais globalement, ça peut ne pas trop gêner ton process. D'accord. Mais t'es amoureux. Je vois, Tu fais tout pour Anoan. Oui, tout à fait. Eh bien. Do it for her. Then you do it again. Oui, bref. Donc, Tammy. Eh bien, du coup, je vais dans la salle radio, parce que c'était ça, à la base, que je voulais faire de ma vie. D'accord. Donc, voilà, pour écouter le truc dont Agnès m'avait parlé. D'accord. Est-ce que, j'ai juste une question pour l'assemblée, des gens qui sont encore là, est-ce que Tammy, tu pars de manière discrète, ou tu acceptes que la porte reste ouverte et que tout le monde t'entende? Ouais, vas-y. Ok, très bien. Donc tu rentres dans la salle radio. Fais-moi un jet d'intelligence pour voir si tu piges le bon bouton à appuyer. Ça passe ou ça passe pas? Intelligence, ah, si, ça passe. Je suis hyper intelligent. Très bien. Eh bien, félicitations. Attends, je te retrouve le lien de ce que vous allez entendre. Hop. Vous êtes dans la salle radio et soudainement, en appuyant sur ce bouton, tu entends ce message. Je ne sais pas si quelqu'un vraiment entend le Sherlock, mais il y a une urgence. Je crois que Ran a perdu les pédales. Elle a l'air de préparer un truc pas clair. Je peux pas en dire plus ici au cas où elle tomberait sur ce message. Donc, bah, ouvrez l'œil, faites gaffe à vous et recontactez-moi au plus vite. Ok, bah du coup, on appelle Johnny. Bah oui, carrément. Ouais. Faites-moi un jeu d'intelligence. Quoi, je l'ai entendu aussi, juste pour savoir. Oui, tu l'as entendu aussi. Ouais, ça passe. Tu vas pour rappeler et tu vois que la commande de communication a été sabotée. Tu ne pouvais plus communiquer à l'extérieur de... vous ne pouvez plus communiquer avec quel que soit l'élément qui soit à l'extérieur d'Oriog. Mis à part via la fenêtre Skype qui est le seul accès, mais il y a une seule conversation qui est joignable. J'ai un téléphone portable. On a établi ça un petit peu plus tôt dans la partie. Oui, mais vous n'avez pas de réseau, ok. Ok, voilà. Il se passe des trucs chelous. Qu'est-ce que tu fais? Ou alors je passe peut-être au tour suivant. Je vais passer au tour suivant. Vous digérez cette info. Ran est en train de courir dans les couloirs. Un jet de perception pour voir si elle te rattrape. Oui. Merde. De physique. Elle te met la main dessus, Jaffre. Elle te fait « Où est mon zoom ?» Ton quoi? Cul. Oh, j'ai de charisme. Ça passe pas, non? Attends, je remonte. Ça ne passe pas. Elle te regarde, elle voit le zoom qui est dans ta poche, elle le reprend et elle fait gaffe. Non. Prochain coup comme ça, tu es virée. Et elle s'en va en étant très vénère, en direction du stockage temporaire parce que personne ici ne l'aime. Légalement, on peut pas virer les stagiaires. Voilà. Du coup, le tour de Ran s'achève et c'est à ton tour de jouer, Jaffre. Est-ce que... Elle est où, Ran, là, actuellement? Toujours dans elle le couloir? Elle se dirige vers l'escalier, elle est en train de descendre dans les sous-sols. Hmm. Parce que personne ne l'aime ici et que, voilà, on a été... Du coup, je vais... je veux aller après Jaffre et essayer de le voler directement sur elle. Après Ran, donc, tu veux dire? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Jaffre. Bah, oui, Jaffre, je cours après moi-même. Jaffre, je vais pas... Ou alors j'ai loupé un truc, mais t'as pas ton pouvoir qui pourrait t'aider dans cette situation? Oui! Je peux disparaître. Par le pouvoir de « Hey, mais je suis juste un stagiaire, moi !» Et donc, tu disparais? Je disparais. Oui, parfait. Très bien, tu disparais. Et je disparais et je suis Ran. Très bien, fais-moi un jet en agilité. Très bien, donc tu peux... tu suis en mode « Je suis trop discret, Ran. » Et j'attends une opportunité pour voler le zoom. Franchement, avec un 16, là, t'aurais pu récupérer directement le zoom. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Non, ce n'est pas une réussite critique. Bah, mais là, ça va être très chaud, ce sera au prochain tour. Non, c'est trop tard, il est déjà fait le G. C'est de ta faute. Drag, oui. C'est à toi. J'ai entendu le message chelou de Jolie. Oui, tu l'as entendu. Qu'est-ce que quoi? Les gens, par hasard, vous avez pas le réseau là pour contacter Jolie? Genre, non, qui... Ok, qu'est-ce qu'on fait? Le pari, est-ce qu'on s'en fout et qu'on va chercher Jolie ou est-ce qu'on essaye de... Enfin, je sais pas, je panique. Est-ce que tu veux faire un jet de perception pour voir si tu gères ton anxiété? Oui. Ou d'intelligence plutôt. Un constitution pour savoir si avec le pouvoir du yoga tu peux arrêter de faire une crise de panique. Non. Voilà, ouais, bah c'est un jet de constitution. De constitution, j'ai un score de merde en constitution. Eh bah tant pis. Un jet d'intelligence pour savoir si tu arrives à te pep talk toi-même pour c'est sortir ça, de la crise. Je peux faire un jet d'intelligence plutôt pour dire que c'est... Non, trop tard. Donc oui, t'arrives pas à gérer ton anxiété, mais ça va, c'est pas non plus terrible. Tu es prêt à être raisonné si quelqu'un d'autre parle. Tu veux tenter quelque chose dans ton anxiété ou tu passes ton tour? Pardon, j'ai eu un lag, j'ai pas compris. Est-ce que tu tentes un truc en paniquant ou tu passes ton tour? Est-ce qu'il y a d'autres messages quelque part sur, genre sur la radio, un autre message qu'on nous aurait laissé ou une histoire comme ça? Un jet d'intelligence. Ok. Oh. Bah tu regardes la salle, tu vois que tout a été coupé très proprement, donc il n'y a vraiment aucune connexion. Et s'il y a eu un autre message à un moment, il a été effacé. Les gars. Tu vois par contre qu'effectivement, parmi les trucs coupés, il y a un truc qui est relié à la salle de pilotage. Oh, je peux genre le toucher et genre voir ce que c'est. Enfin, essayer de voir ce qui se passe. Enfin. Oui, oui. Je peux genre voir ce que c'est. Ça s'est relié à la salle de pilotage, c'est-à-dire que je peux aller dans la salle de pilotage voir ce qui se passe. Ah non, c'est fermé. C'est ça. Il y a un accès, il y a la vitre. Ah, oui, c'est juste de faire un jeu d'agilité pour rentrer dedans. Oh non. De consti. Bon, bah. Je suis la pierre. C'est laquelle ma stade la plus élevée déjà? Agilité. Agilité. Nickel. Et bah, tu passes tranquillou, tu glisses, tu arrives dans la salle de pilotage. Et attends, voir le moment où tu vas devoir ressortir. Merci Grushkov pour cet éclair. Je remercie silencieusement Grushkov pour avoir ouvert cet accès. Est-ce que je peux voir ce qui était trifouillé sur la table de la salle de pilotage? Alors, salle de pilotage, qu'est-ce qu'il y a de bloqué là-dedans? Salle de pilotage, en fait, en trifouillant, tu vois qu'il y avait un accès qui conduit et au conduit de ventilation qui est au-dessus de toi, et il y a une espèce de truc qui a été creusé ou construit en secret vers le sous-sol. Je peux regarder ce qui va vers le sous-sol? Bah, tu vois juste un couloir, donc soit tu vas dedans, soit tu vas dedans. Ok, laisse-moi regarder la... Soit tu ne vas pas dedans et tu fais un autre choix. Ok, là je sens qu'il vaut mieux teamer, donc j'appelle Anno et Tammy en mode « Hé, il y a un truc méga chelou ici !» Et bah ça tombe bien parce que ça glisse sur le tour Israd, et là c'est le tour de Tammy je crois, cette fois. Oui, c'est à moi. Eh bien, je suis de Dreg parce que... voilà. Je suis aussi persuadée que la quête du bien-être psychique de Ran est bien plus importante que des querelles universelles. Universitaires. Mmh. Ah oui, c'est vrai. Pardon, merci. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu lui proposes de faire? Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, il y a un accès, c'est ça? Mmh. Bah, on y va. Ok. C'est quoi? C'est un accès vertical ou un couloir ou... Bah, c'est un conduit, comme un conduit de ventilation, en fait. C'est genre un puits? Est-ce que sur la... Pas vraiment, c'est vraiment une conduite de ventilation, mais qui descend, en fait. Je propose Drake, que Adowan aille devant. Attends, il y a Drake qui essaye de parler depuis tout à l'heure. Du coup, pardon, finis Tammy, parce que ça peut-être dépendre de ce que tu veux dire. Que Adowan passe devant et nous aide à nous hisse, parce que, bah... C'est une pieuvre. Ok, est-ce que... Mais vous allez vers le haut ou vers le bas, du coup? Vers la ventilation ou vers le sol? Ah, bah, on va... Vers le sous-sol? C'est là que c'est le truc chelou, la ventilation, on sait qu'elle est là, mais le sous-sol, on sait oui, pas. Oui, sous-sol, ouais. D'accord. Les gars, est-ce qu'on devrait pas... Genre, deux vont vers le sous-sol et quelqu'un sort de la salle de pilotage et on va vers le netto et essayer de trouver Johnny. Genre... Ah, quelqu'un sait piloter le dirigeable? Mais il y a un accès vers le netto, on est collé au netto. Je veux dire, on a un truc... Moi, je veux piloter. On est collé au netto? Je crois que t'es pas là. On est collé au netto? Bah oui, il y a un pont. Oui, il y a un accès vers la nettophonique, ça partait du balcon. Il y a une échelle de corde là. Et ouais, mais genre, du coup, attends, pour aller au netto, attends. Faut passer par un genre d'échelle de corde. Faut aller dans le balcon et on peut aller au netto. Faut aller sur le balcon, ouais, et direct accès au netto. Mm-hmm. Bah écoute, moi je veux bien y aller. On pourrait essayer de sortir du dirigeable pour voir si on a du réseau. Je me sens pas d'aller dans ce coin, dans ce truc super flippant en bas. Est-ce que je peux aller au netto? Ok, tu vas au netto et nous on gère avec Anowan. Et t'as vraiment intérêt à ce que ce soit pas une ruse pour récupérer le zoom, parce que sinon ça va très très mal se passer entre nous. Je vais essayer. Si ça arrive, ce sera la pure hasard. Je veux vraiment aller au netto. Vous en faites pas. Drake, you are dead to me if you do that. You know it. Est-ce que je peux faire un câlin à Tammy et Anowan pour me donner du courage? Tu fais un jet de charisme. Juste un câlin. Je peux pas avoir un bonus pour un câlin. Ouais, parce que pour avoir un câlin, faut que ils arrivent à te croire. Est-ce que je peux activer mon bonus de plus 15 pour un câlin? Non, ça marche pas. Oh, tu fais des critiques. Alléluia. Tu regagnes, tu leur fais un énorme câlin et tu regagnes 2 points de santé mentale. Oh. Je fais des réussites critiques sur les meilleurs jetés. C'est ça, va un point mieux. Par câlin. Okay. D'ailleurs, maintenant, Anno et Tammy, vous avez une confiance renforcée envers Drag. Ça va mieux et vous vous sentez mieux dans vos vies quand même un petit peu. Et ce câlin vous fait aussi gagner un point de mental à tous les deux. Et Tamika, tu vois un peu plus clair dans ta vie maintenant aussi. Globalement, meilleure action. Ouais, tu es peut-être un peu moins amoureux maintenant. Tu commences à te dire que c'était pas juste. Finalement, je suis aussi amoureux de Drag. Bon, mais ce serait drôle. Non, le filtre à chip, malheureusement, j'ai un problème avec le filtre à chip, c'est que le polyamour marche pas encore très bien. Je suis en train de marcher, de développer cette technique. Mais je vais y arriver. Hein. D'ailleurs, à propos du filtre à chip, non, pardon, j'ai rien dit. Plus tard. Excusez-moi. Tu pars vers d'autres cieux, Drag, et du coup, là, c'était le cours de tour de Grushkov. Bon, je me suis un peu reposé. On a déjà t'as gagné. T'as vu, j'ai l'impression de se faire tirer le... Moi, je suis celui qui ne sait rien. Rien. Mais, il n'a rien suivi. Il était tout seul. Il a perdu le zoom, mais il le sait même pas. Si, tu l'as vu, t'étais juste à côté. Mais attends, mais on n'était pas déjà dans l'infirmerie ? Si, si, mais c'est quand toi et Jaff, vous êtes allés ensemble dans l'infirmerie, il y a Ran qui a déboulé, qui a repris le zoom et qui est reparti. Ah, mais parce que t'avais dit que t'étais dans le couloir, c'est pour ça. Enfin, oui, mais c'était sur le chemin, quoi. Vous êtes fait rattraper par Ran au moment où vous y allez. Donc t'étais là, tu es bien témoin de la perte du zoom. Est-ce qu'il m'a vu devenir invisible ? Oui. Cool. Donc tu sais que... Bon. Tu lui as fait le signe. Mais non, ça n'a aucun sens. Non, mais si, effectivement, c'est cool. Je pense qu'il nous faut absolument une scène dans le mono où t'as Grushkov qui voit littéralement Jeff redevenir invisible et qui fait juste... Waouh. C'est tellement parfait. Attends, c'est que... Que fais-tu ? Du coup, moi, je sors de l'infirmerie avec mon petit bandage et tout, et... je vais... attends, je vois personne hein, dans le couloir là. Ah non, il y a là, il y a personne. Enfin, c'est juste très loin, très très loin, tout au bout du dirigeable. Tu vois Ran passer, Drag passer. Mais alors attends, je vais faire. J'ai deux possibilités et je vais faire un jet juste pour savoir laquelle des deux je vais faire. Ok. Alors en plus, voilà, complètement. Heureusement que tu l'as claqué là, ton 94. Et du coup, je me dis... Ah bah attends, tu vas voir, parce que c'est comme si j'avais fait un jet d'intelligence. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Je suis sûr que je peux... je m'étais juste mal lancé et que je peux la passer, cette vitre de merde. Ok. Et du coup, bah... Grushkov, ne meurs pas, s'il te plaît. On peut pas mourir dans ce RP, on peut juste perdre toute volonté d'agir en ayant perdu tous ses points de santé mentale. On n'a pas de vitalité, vous avez des points de santé mentale. Non, ce ne sont que des points de santé mentale. Non, on a de l'endurance coup... aussi. Ah. Ah, non, j'ai complètement oublié. Non, elle n'existe pas, vous ne l'avez pas vue. Ah d'accord. D'accord. On n'a pas d'endurance, très bien. Donc oui, vas-y Ruru. Tu veux aller dans la salle de pilotage, c'est ça ? Ouais. Donc tu me fais un jet d'agilité. Non mais attends, mais je croise personne sur le chemin ? Bah non, il n'y a plus personne maintenant. Ah zut, mais je croyais qu'il y avait encore quelqu'un qui était resté en fait. J'ai mal compris. Bah Noan et Tammy sont en train de se glisser dans la salle de pilotage. Jaffre a disparu. Oui, mais c'est là que je veux aller. Bah voilà, bah, c'est, donc tu vas en direction de la salle de pilotage, tu vois personne. Et quand tu arrives devant la vitre, tu vois qu'il y a Tammy et Noan qui ont l'air de se contorsionner pour rentrer dedans. Dans une espèce de conduite. Et bah, et du coup, je fais hey, salut, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez lui répondre. Toi, qu'est-ce que tu veux encore ? En fait, je voulais piloter le truc, mais je vois que vous êtes affairé à faire ça. Je voulais faire comme le Faucon Millenium. D'accord. Oui, je comprends tout à fait le sentiment. Cependant, on est relié à un immeuble. Il y a un immeuble qui a des fondations et des caves en béton, tu sais, avec des petits renforts dans la terre. Et ça risque de poser un genre de problème si on devait bouger le dirigeable. Tandis que cette échelle de corde est toujours reliée à ce bâtiment en dur. Bah, on coupe la corde, je sais pas, moi. Non, parce qu'il y a Drake sur la corde. Arrête tes bêtises et retourne à l'infirmerie mettre un pansement sur ton cerveau. Ah bah super, merci. Moi, j'allais proposer de vous aider à passer en vous soulevant, mais bon, il n'y a pas de souci, vas-y. Hein ? Vous avez besoin d'aide ou pas? Ouais, on va explorer le sous-sol par ce conduit louche et étrange. Tu viens avec nous? Ouais, qu'est-ce qu'il y a au sous-sol? On ne sait pas. C'est pour ça qu'on va l'explorer. Mais pourquoi vous voulez y aller? Parce qu'on sait pas. Et du coup, on se dit c'est sûrement la suite du level design et que c'est important. Je rappelle qu'il n'est pas au courant du message. Comment ça, il est pas au courant du message? Mais tout le monde l'a entendu. Bah non. Non, pas lui, il était à l'infirmerie. Ah ouais. Oui, moi non plus, je l'ai pas entendu. C'est la merde. En fait, il y a Juni qui est très très inquiet pour Ran parce que apparemment Ran a pété un câble. Et donc du coup, il y a un truc très louche. Ou alors, c'est juste de la misogynie ordinaire. Bah moi, j'ai déjà vu Johnny, je pense que c'est possible, mais... Non. Quelle salée. Non mais, enfin, Ran n'est pas dans son état normal, si. Bah je sais pas, elle parlait des trucs bizarres quand même, et elle a quand même gueulé sur Anya. Le lobby LGBT, c'est quoi c'est? Et le lobby LGBT. Qu'est-ce que c'est? Et je pense que la réponse est derrière ce conduit. J'ai vu le triumvirat du lobby LGBT, donc je suppose monsieur L, monsieur B et madame G. Je sais pas. Voilà, parce que de toute façon, LGBT c'est souvent sans le T. Mais non, Ran c'est le T. Ok, bref. Vous faites quoi du coup? Donc, tu as des nouvelles informations. Finesse, et je suis tellement RP, je me tiens la main depuis tout à l'heure comme un gros con, genre il faut que je compresse. Ok, alors, je vais pas vous mentir, l'agilité, c'est pas mon fort. Aller sur le tuyau, c'est pas quelque chose que je vais faire. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais finir mon plan de tout à l'heure. Vous savez ce que c'était, mon plan de tout à l'heure? Non, je sais pas ce que c'était, ton plan de tout à l'heure. Eh ben, c'était de tabasser Ran. Ah bon? Ok. Ben, vous croyez que j'avais pété la vitre, pourquoi? Ok. Alors, je veux juste... Ok, d'abord, on a... le compagnon, notre administratrice, qui nous dit qu'elle est hystérique et qu'il ne faut pas lui faire confiance. Et maintenant, on a le mec 6 de l'association qui veut lui meuler la face avec ses mains repliées. Est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de céder à la misogynie? Mais c'est pour le jeu. Mais c'est pas drôle de taper des gens, Gouchkov. Mais non, mais je vais pas vraiment la tabasser, je vais juste lui mettre un coup du lapin et tout, ou un truc comme ça, juste pour l'assommer. Mais c'est dangereux, un coup du lapin, tu vas la buter. Tu vas faire un jet critique, elle va mourir. C'est pas parce qu'on n'a pas une carac d'endurance que bon, tu peux te permettre des choses au niveau physique, Grushkov. Grushkov, le coup de « je mets un petit coup sur la nuque à quelqu'un, il tombe dans les pommes et ça n'a aucune conséquence sur le fonctionnement de son cerveau dans son avenir », c'est dans les films, ce n'est pas dans la vraie vie. Et ce n'est pas parce que Annie a fait de la physique et pas de la biologie qu'il ne faut pas l'écouter quand elle dit des choses à propos de la biologie. Il fait de la chimie. Merde. Pendant que Tammy et... Annie s'engueule, moi je cours vers là où je pense que Ran était allé tout à l'heure, où je l'avais vu se diriger après avoir chopé le zoom. Est-ce que je peux avoir essayer de tacler Grushkov, parce que je pense que ce qu'il fait va être hyper dangereux. Mais non, mais t'es pas en position de le faire, toi. T'as pas encore ton tour. C'est Anomad là qui a son tour juste après Grushkov. Okay. Grushkov, je considère que tu sors. Est-ce que tu peux me faire un jet d'agilité? Non, pas d'agilité, de charisme. En mode, oh là là, je vais faire mon truc, personne ne peut m'en empêcher. Poum! Pile poil. Et bah, ça marche, personne ne peut t'en empêcher, tu pars en courant. Personne? Ah, no one, c'est toi. Tu peux essayer de faire quelque chose. Tu peux essayer de faire quelque chose parce que c'est toi qui es juste après. Tu es tout la plus proche. Bah, je ne peux pas l'en empêcher. Mais il est déjà parti en fait, donc si tu veux faire quelque chose. Il est déjà parti. Eh bien, je me tourne vers Tamika, je lui dis. Tu sais quoi? Fuck it. On avait dit qu'on explorait ce bordel. On va explorer ce bordel. Je fais la pieuvre et je vais dans le truc qui va sous le sous-sol. Du coup, tu l'as fait. Tu fais ton. Tu utilises ta super souplesse ou tu y vas comme ça avec ton jeu d'agilité? Oui. Super souplesse? Oui. Ok. Bah, du coup, effectivement, tu glisses et puis pouf pouf. Tu tombes sur un petit nid de poussière qui n'est plus très poussiéreux. Tu te dis, quelqu'un était là il n'y a pas très longtemps. La pieuvre. Il y a des papiers. Enfin, il y avait des papiers et tu vois qu'ils ont été fouillés, que les plus importants ont disparu. Ah là là, on se met devant pire, où est-ce qu'ils sont? Ils sont invisibles. Je continue de fouiller. Non, mais en fait, c'est quoi comme pièce? Tu es dans une salle étrange. Bah, fais-moi un jeu de perception et tu verras. D'accord, je vais faire un jet de perception. Joli. Nickel. Oui, eh bien, la salle où tu es, tu vois son nom et tu vois que c'est préparation, mot incompréhensible, Netophonix. Donc c'est une salle secrète dans les sous-sols, dans la partie sous-sol où normalement il devait y avoir juste du mur et rien. Mm-hmm. Et qui a l'air d'être utilisée par un membre qui cherche à faire quelque chose au Netophonix. Mais okay. Tu n'as pas plus d'informations que ça, parce que les papiers qui pouvaient t'indiquer, ils ont disparu. Alors, je n'y a plus les papiers les plus importants, mais je voudrais regarder les papiers non importants. D'administration, les comptes de Oriog. Qu'est-ce qu'il faut faire les comptes d'Oriog ? C'est pour ça que je n'ai pas les codes. Vraiment, c'est genre juste de la paperasse qui ne t'aidera absolument pas. Donc en fait, cette pièce, elle a eu fini d'être lootée dans les 10 premières minutes du jeu. Exactement. Eh bien... Je vous dis, mon scénar, à la base, il est tout fin. Je remonte, telle la pieuvre que je suis. Ah, mais tu peux sortir de cette pièce pour explorer ailleurs, d'ailleurs, si tu veux, sinon. Quoi ? Cette pièce n'est pas fermée, il y a d'autres couloirs à l'extérieur. Waouh. Je vais quand même tenter de remonter par là, parce que comme ça, je retrouve Tammy et on fait le point. Ça marche, et bah tu remontes, agilité, bon, t'as pas besoin de le lancer. Et puis pouf, pouf, pouf, t'es en haut. Quoi, vas-y. Et du coup là c'est le tour de Tamika. Tamika, tu vois Noan remonter. Bah du coup je lui demande ce qui se passe. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Alors, c'est une pièce secrète du dirigeable que à mon avis personne n'a jamais vue avant. Je dois être la première personne à découvrir cette pièce. Et sur la porte, il y avait écrit salle préparation Netophonix avec un mot qu'on voyait pas bien. Mm-hmm. Et quelqu'un a l'air d'avoir fait le nettoyage récemment, donc probablement la personne qui utilisait cette pièce donc a fait le nettoyage. Probablement Ran, en fait. Probablement Ran qui a fait le nettoyage afin qu'on ne puisse pas comprendre ce qui se passait. Ok, donc on retrouve Ran, on sauve la vie de Ran, parce qu'elle va se faire tuer par Gru-Gru. Et ensuite, on la torture pour avoir des infos. Ouais, voilà, très bien. On la torture avec de la gentillesse, ça marche mieux. Ouais, surtout chez Oriane. On fait du chantage affectif. Bien, on y va. Ok, ça marche. Je connais des techniques d'interrogatoire de la CIA, ça va fonctionner. Ah, très bien. Dis que tu connaîtrais des trucs du KGB, mais... Donc vous vous dirigez vers la sortie. Vous allez vers où pour retrouver Ran ? Est-ce qu'on a vu vers où se dirigeait Grushkov ? Bah non, ça fait un petit moment qu'il est parti en courant. Oui, ça fait un petit moment qu'il est parti en courant, mais dans quel sens ? Bah en direction de la salle des machines. Eh ben, on se dirige vers la salle des machines en utilisant nos compétences de pistage pour repérer les traces de sang laissées par Grushkov. Fais-moi un jet d'intelligence. Mais j'ai pas laissé de traces de sang parce que j'ai réussi à me soigner. Oh, 69, c'est bien ça. C'est bon, j'ai réussi mon jet d'intelligence. Oh, 69. Non, tu n'as pas réussi ton jeu d'intelligence. Est-ce que vous vous arrêtez quelque part dans le couloir ? C'était pas mon jet, hein, c'était le tour de Tamika. C'est toi qui as mis le jet. C'est Tamika qui l'a laissé. Tamika, tu es libre de décider. Il n'y a aucune trace qui t'indique où a tourné Grushkov. C'est juste que c'est dans cette direction-là. Est-ce que tu t'arrêtes de manière random dans le couloir, quelque part devant une salle, ou tu vas jusqu'à la salle des machines ? Jusqu'à la salle des machines. Ok, donc vous êtes dans la salle des machines. Il y a un accès vers le toit, et c'est tout. Eh bien, on va prendre l'accès par le toit. Au prochain tour. Bataille finale sur le toit, vous êtes sérieux ? Putain, on t'a tout à l'épine, pouche de stagiaire. Alors, ça, c'était pas prévu. Ah si, Romain, non, ça colle avec mon timing, c'est parfait. Oh mon dieu. Donc, Ran, pendant ce temps-là, elle est dans les sous-sols. Jaffre, tu es la personne qui voit ce qui se passe. C'est dommage que personne ne soit resté de l'autre côté des sous-sols pour voir ce qui allait se passer. Tu le vois se diriger vers projet non prioritaire. Mm-hmm. Tu vois qu'elle évite largement une espèce de grosse armoire assez énorme et assez massive, qu'elle regarde avec un regard très dubitatif et en chuchotant « putain, Dre. » Qu'elle récupère une espèce de code chelou, qu'elle arrive à une espèce de conduit, qu'elle passe le conduit sur ce code, et enfin qu'elle tape le code, tu ne vois pas lequel, sur ce conduit, et qu'elle rentre dedans. Et voilà, c'est tout ce que tu vois, et désormais, bah, Ran est dans les conduits. À partir de quel... Tu vois, projet non prioritaire ? Ouais. Tout au bout, y a un... juste avant l'arrondi, sur la droite, il y a un conduit. Ok. Voilà, qui du coup, on a l'air d'en chier, tu l'entends en train de d'en chier d'ailleurs. Est-ce qu'elle va en chier beaucoup ou ça va? Ça va, elle monte tranquillement. Et du coup, je suis, si je peux suivre. Bah du coup, ouais, maintenant c'est ton tour, tu veux la suivre? Ouais, je continue à sauf suivre que parce que... la grille a été refermée derrière elle, donc il faut que tu trouves le code. Oui. Est-ce que c'est des lettres? Est-ce que c'est un clavier à lettres pour entrer? Non, c'est des chiffres. Que des chiffres? Ok, et alors... Il faut 4 chiffres pour ouvrir la conduite. Ok. La lettre L, c'est la 12e lettre de l'alphabet. 1 plus 2 font 3. Donc je pense que le code, c'est 3. G, c'est la 7e lettre de l'alphabet, donc 3, 7. B, c'est la 2e lettre de l'alphabet, 3, 7, 2. Et... T, c'est la 20e lettre de l'alphabet, donc 2 aussi, 3, 7, 2, 2. Jaffre, est-ce que tu pousses ta réflexion jusque-là? Non. Ou est-ce que tu as une réflexion différente? Absolument pas. Ouais, non, vous souvenez... Je n'ai hélas pas ce méta avec moi. Vous souvenez, coup, les anciens téléphones, bah, y avait des lettres qui correspondaient à des chiffres, ça se trouve, c'est LGBT, mais sur un clavier de téléphone. Oh, putain. Mm-hmm, ça marcherait. Je vais regarder la grosse armoire. Fouiller la grosse armoire qu'il y avait à l'entrée. D'accord. Est-ce que tu veux l'ouvrir directement ou regarder ce que c'est? Regardez ce que c'est d'abord. Fais un jet de perception. C'est une armoire. Tu vois écrit en gros dessus. Mono saboté. Tu fais, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que c'est? Tu l'ouvres. Fais-moi un jet de constitution. Ah ouais, chouette. Ça passe. Non, ça passe sur... pas. Comment ça, ça passe pas? Ça passe pas. J'ai une constitution de merde. Ah oui, putain. Ça passe pas. Et ben, tu te manges un déboulé de plein de trucs nuls sur ta tronche et tu perds 10 points de santé mentale. Comment ça? C'était un piège que tu viens d'activer. Pourquoi il y a eu un putain de break avant sur cette armoire de... C'était sur un autre point qui disait ça. Bon bah F. Voilà. Je peux donc, continuer à jouer ou c'est fini? Non, là, tu es un peu assommé là, t'as pris cher. Ouais. Drag, à toi de jouer. C'est où tu es? Ah, si tu es en direction du balcon. Je peux courir, genre aller voir, trouver Johnny genre dans son bureau ou une connerie du genre. Donc concrètement, ce que tu fais là, c'est tu cours toujours sur la corde et tu vas sur le netto, c'est ça? Je cours pas sur la corde, mais je cours dès que j'arrive au netto. Donc tu fais quoi? T'examines la corde ou tu cours? Je marche sur la corde parce que je suis prudente quand même, parce que j'ai un peu le vertige. Fais-moi un jet de chance. Oh non, je peux pas tomber quand même. J'aurais pas dû dire que j'ai un peu... Non mais j'ai pas le vertige en vrai. Non, fais-moi un jet de chance. Mais c'est pas dans mes compétences. Oh bah. Ça passe. Tu allais mettre un pied sur l'échelle et là, fort intelligemment, tu remarques que ah, la corde a été coupée. Oh heureusement non. Que je n'ai pas couru dessus. Donc le gros câble qui relie le cœur du dirigeable au netto est collé, mais le petit machin qui vous permettait d'accéder de l'un à l'autre est coupé. Vous n'avez plus accès au nettophonics. Est-ce que en dehors du dirigeable, j'ai du réseau, genre, je peux prendre mon téléphone et être en mode allô? Ouais, vu que t'as fait un bon jet de chance, tu peux en faire un deuxième pour tester le réseau. Ça passe. On va dire que j'ai attends, numéro... ça passe ou pas? On va dire que j'ai le numéro de Johnny, d'accord? Tu appelles Johnny, mais il sonne occupé. Mais tu as du réseau. Ok. Je peux essayer de lui laisser un message? Tu peux. Johnny, c'est Dreg. On a reçu ton message dans la salle radio. Je sais pas du tout ce que fait Ran. C'est vrai que c'est assez chelou. Elle a parlé d'une réunion chelou. On n'a plus accès au netto. Genre, elle a coupé le câble, le ballon tient encore au netto, mais on ne peut pas rejoindre les bâtiments, on est bloqué. S'il y avait quoi que ce soit que tu puisses faire, par pitié, viens nous aider, parce que là, ça devient vraiment chelou et je commence à flipper. Des bisous. Ok, bah attends, je vais chercher Johnny, je reviens. Super, on a des PNJ, ils ont une voix à part et tout. On a le vrai PNJ. Donc. Dreg, tu as le téléphone qui sonne, là, tu as un message, tu entends Johnny qui te parle, mais ça va couper juste après. Vas-y. Ouais, j'ai pas des masses de réseau, donc écoute bien. Alors, Ran est allé dans une sorte de labo, Et depuis, elle est super vénère et je crois qu'elle veut dominer la saga sphère ou avec des trucs gays. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein, Et là, ça coupe. Merci. Oh non. Est-ce que je dois faire un jeu d'intelligence pour savoir qu'elle est dans mon... Oui, là, maintenant, tu peux, putain. Je sais qu'elle est dans mon labo. Je comprends où je vais faire l'intelligence. Fais un jet d'intelligence. Fais un jet de perception pour voir si tu caves d'abord qu'elle est dans le labo. Dans les deux cas, c'était mort, en fait, oui, là, du coup. Putain, du coup, je comprends pas qu'elle est dans mon labo, mais c'est stupide. Bah, tu comprends qu'elle allait dans ton labo, mais tu vois pas trop ce qui a pu s'y passer. Une potion de devenir méchant. Donc, soudainement, je me demande voilà. Si mes expérimentations avaient commencé avant François TJP et l'arrobase. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire avec cette information? Faut que j'essaie de retourner les autres, retrouver voir les autres et de leur dire, tout simplement. Donc tu retournes aux salles de pilotage? Salle de pilotage, j'imagine que je vois qu'ils sont pas dedans quand je rentre dans le balcon. Ouais, effectivement. Tu passes à côté et ils ne sont pas là. Merde. Je peux essayer de les chercher, genre? Pour le prochain tour, tu vas les chercher. Non, j'ai une idée. Est-ce que je peux aller dans mon labo? Ah, oui, bien sûr, tu peux aller dans ton labo. J'ai toujours la clé, tout ça. Je vais dans mon labo. Oui, oui. Labo, si tu remplaces le A par un G et le O par un T... Tout est dit. Tout est vu. Donc, tu es désormais dans le labo. Qu'est-ce que tu fais? Je peux faire un jet d'intelligence ou de perception pour essayer de me rappeler ce que j'ai foutu là et ce qui aurait pu se passer. Fais un jet d'intelligence, vas-y. Allez, c'est le moment de marcher. Alors, attention, ça va être grandiose. Oh non. Tu te dis, il s'est passé quelque chose. Tu vois les potions qui manquent et tu fais peut-être que il y a trois machins à tester qui ont disparu. Et si j'essayais de les refaire? Mais comme tu te rappelles plus de la recette et de ce que c'était, tu fais je sais, je vais mélanger des trucs au pif et on va voir ce qui va se passer. Et du coup, tu mélanges des trucs au pif. La terre explosa. Fin. Tu mélanges des trucs au hasard. Tu mélanges toutes tes potions dans le même truc. Tu te prends une fumée pas possible dans la tronche. Tu sors en toussant dans l'infirmerie parce que dans ce jeu on ne meurt pas, mais tu as perdu 10 points de santé mentale et tu es complètement HS. Pour combien de tours? C'était bien la peine de me faire déplacer Johnny. Si au final j'étais là. Pour combien de tours je suis HS? Le prochain. Ok, ça. Sauf si on te trouve, donc t'es dans l'infirmerie, on peut te faire bleh. Ok, très bien. Du coup, on passe à. Après, c'est le tour Isra, donc là c'est Anowan cette fois-ci. Coucou. Alors. J'avais fini de faire la pieuvre, j'avais fini de débrief avec Tamika. Et on était parti à la recherche de Grushkov. Et je crois qu'on était parti pour aller sur le toit, en fait. Oui, c'est ça. Go toi. Vous allez sur le toit? Go toi. Bah oui. Et bah, vous faites tous les deux un jet d'agilité. Okay. Non, toi, Noël. Si, Noël, vas-y. Parce que super souplesse, tu viens de le faire juste avant. Donc, d'accord. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le jet d'Anowan. Merci. Très bien, tout est bon. Et ton jeu, Tammy? Eh ben, Anowan commence à se glisser gentiment, avec agilité. Elle saute de barreau en barreau pour monter sur le toit. Et toi, tu commences à monter sur le premier échelon. Tu commences à te casser la gueule. Tu te rattrapes. Tu retournes dans la salle des machines. Constitution, je le rattrape. Ok, vas-y, Constitution, tu le rattrapes. Bien joué. Tu le rattrapes avec une main ferme et nette. Mais pour l'instant, vous êtes juste, du coup, accroché sur les barreaux de l'échelle. Tour suivant, Gru. Dur. Déjà wow. Mais il était super, super court leur tour là. Oui, parce que c'est le cours bonus. C'est le tour bonus qu'ils ont avec l'absence d'Ania. Mais après, ils ont un cours court, à Rano. En fait. Du coup, ouais, Grugus, c'est à toi. Tu courais en direction de quoi déjà? De là où je t'avais vu partir, mais du coup, moi je savais pas où je t'avais vu partir. Bah, t'es en direction du sous-sol. Bah, tu croises Jaffre qui est. Qui a pris. C'est bon, tu l'as récupéré? Non. Hey, t'as récupéré plein de trucs, on dirait. Ouais, mais c'est pas bon. Ouais, mais est-ce qu'il y a des trucs là-dedans qui pourraient nous servir? Je pense pas. Tu sais... Bon, vas-y. Y'a Ran qui est parti dans la salle projet non prio. Elle a pris un conduit d'aération, mais y'a un code. Du coup, j'ai pas pu la suivre. Merde. Donc, voilà, je suis un peu... Je sais pas quoi faire. Bon. Bon, ben, il reste plus beaucoup de temps. Je suis très déçu. Il est 23h30 quand même. Je suis très déçu, Jaffre. très très déçu de te voir comme ça, c'est pathétique. Moi qui... Mais je suis que stagiaire. Bah non, là, plus maintenant. Oh, wait. Je comptais sur toi pour gagner pour nous. Je veux dire, moi je me suis sacrifié physiquement pour notre cause. J'ai détruit mon amitié avec Tamika pour notre cause. Je suis un peu dégoûté. Je deviens invisible et je me barre en tant qu'il parle. Je suis en train de te parler et tu disparais pour notre cause. Attends, je regarde. Tu me fais un jet de charisme là parce que c'est chaud. Qui, moi ou. Toi, tu fais un jet de charisme si tu veux disparaître. Ok. Ça passe. Pendant que tu lui fais la morale, Grushkov, Jaffre disparaît. Ah, mais je le remarque. J'ai fait un jet de perception. Ah ouais, ok. Tu t'aurais pu demander avant, mais ok. Oh, pardon. Tu le vois juste disparaître devant tes yeux. Ah. Bon, bah. Est-ce que tu veux essayer le code à 4 chiffres? Ouais, attends, c'est quoi LGBT? Et quelqu'un a un vieux téléphone? 0-0. Quoi? Essaye 0-0-0-0, si ça se trouve, Ran n'a pas eu le temps de le programmer, son code. Sinon, j'attends, LGBT, ça fait 5, 4... 5, LG... 5, 4, 2 et 8. Bah voilà, j'y vais et je fais 5, 4, 2, 8. Ça marche. Vous faites chier. Ah, c'est trop. Oui, ça marche, c'était bien le bon mot de passe. Là, le conduit s'ouvre. Voilà. Bah, qui est-ce qui avait raison depuis le début? Anoan. Ben non, c'était moi qui avais dit ça. Oui, mais Tammy est amoureux. Et du coup, bah, le truc s'ouvre et je fais, bah voilà, c'est encore moi qui fais tout dans cette équipe de merde. Il y a Drake qui a disparu en plus, et puis Jaffre qui disparaît littéralement, mais voilà, et c'est moi qui fais tout, et du coup, je continue, moi, mon truc, en râlant comme un gros bâtard. Donc tu râles juste et je passe au tour suivant, c'est ça? Ben, sauf si je tombe sur quelque chose en particulier. Bah non, t'as juste le conduit qui est ouvert. Non, mais je suis allé dedans, quoi. T'es en train de râler en étant dedans. Oui. Ouais, tu me fais un jet de perception. Ah, mais on va bien s'amuser. Hop là, je ne vois rien. Tu vois rien, ouais. T'étais juste le conduit infini. Tu vois même pas qu'il y avait un moyen de tourner à un moment. Tu continues tout droit. Ah, oh bah super, quel connard. Cette info. il y avait un tournant à 2 mètres sur la gauche dont je ne pouvais pas te révéler l'existence puisque tu as foiré ton jet et tu ne l'as pas vu. Dommage. Donc pouf pouf, c'est à ton tour, Anoan. Tu tiens Tamika, tu es dehors, il y a du vent qui souffle, il fait nuit, c'est chaud. À Halloween, en pleine nuit, il fait chaud. La canicule, c'est chaud mais il fait froid, voilà. Ok, c'est chaud mais il fait froid, et ben est-ce qu'on voit quelque chose sur le toit du dirigeable? Bah t'es plaqué contre l'escalier là, vous êtes pas encore au toit. On monte sur le toit? Ouais, on essaye. Très bien, et bah toi t'as pas besoin de faire un jet, donc t'es sur le toit. Il n'y a rien sur le toit, rien ni personne pour l'instant. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que l'endroit par où on est arrivé est le seul accès au toit? Oui. Enfin, à ta connaissance, oui. Je fouille pour voir s'il y a un autre accès au toit. Fais-moi un jeu de perception. Yep. Perception, tu as 30, tu as fait 5. Ok, t'as fait une réussite critique. Oui. Tu vois, tu examines en te concentrant avec tes sens de détective le toit qui est très très long et très très loin, et tu repères juste en face de toi une plaque qui a la même couleur que le reste du dirigeable, mais celle-ci est suspecte. Et en t'approchant, tu vois qu'en fait c'est un conduit qui a l'air de suivre la courbure du ballon pour redescendre dans le sous-sol. Je vais m'engouffrer dans... Alors, je vais gueuler à Thomas ce que je fais, déjà. En silence. Mm-hmm. Ouais, j'ai trouvé un conduit, j'y vais. Ok, t'inquiète, moi je m'accroche. Et du coup, j'y vais. Ok. Et ben, en fait, au moment où tu passes ta tête dedans, tu entends un mec qui râle. C'est moi qui dois tout faire dans cette équipe. Je me dirige vers la personne. Et très je bien. Vais ben, l'intercepter. Ok. Et, très bien. Et okay. On a fini le tour, du coup ? On a fini parce que le sinon, tour. On pourrait peut-être Amiqué. Se mettre d'accord sur le fait que si il était à la poursuite de Ran et qu'on n'a pas croisé Ran, c'est forcément que Ran est passé par ailleurs. Vous allez vous dire ça juste après. Tamini, à toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois que Anowan est rentré dans une espèce de plaque chelou ? Ouais. Moi, j'ai réussi à monter sur le toit, là ? Ouais, ouais, ouais, tu y es aussi. Hein, ah ouais, Anowan t'a tiré. Ok, bah écoute... Je passe ma tête parce que je suis courageux mais pas téméraire et je crie ouh, tout se passe bien. Ouais, ça va. J'ai trouvé Grushkov. Oh, Grushkov, tu vas bien? Et du coup, bah je vais dans le conduit. Ok. Aussi. Et bon. Vous êtes trois dans le conduit. Bonjour. J'aime les endroits. Ah, très bien. Eh ben, c'est la fin de votre tour. Ran, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas voir ce qu'elle fait. Et moi, je vais juste faire un G. Un G son. Fais un sang. Fais un sang. Fais un sang. Ah, dommage. Eh ben, Ran fait des trucs. Dans une certaine direction. Vous ne savez pas laquelle et vous ne savez pas où. Donc, oui, juste, vous repérez, vous sentez tous en même temps que il y a un petit tressautement dans le fonctionnement des pales. Oh mon dieu. Oups. Je sens aussi voilà. Leur champ PLS au fond ou... Ouais, vous le cramez tous à un moment que ça juste un tout petit tressautement mais très léger et très fin. La couleur s'enfuit de mes joues et je deviens très pâle. Jaffre, bah, du coup, vu qu'il y a Gru qui est parti à la poursuite, même si je ne l'ai pas vu rentrer dans le conduit, moi j'étais disparue de toute façon, je vais remonter à l'étage. Je fais des allers-retours, tout ça. Et vu que j'ai senti le tressautement, je vais aux machines. D'accord, fais-moi un jet de perception. C'est bon. Ça passe. Ouais. Tu arrives dans la salle des machines et tu vois Ran en train de mettre le contenu d'une fiole dans les machines pour que ça s'échappe par les pales. Est-ce qu'elle m'a vu ? Pas encore. Mais tu es toujours sous l'effet de ton invisibilité, trop cool ! Bah oui, c'est ça, c'était invisible. Ah mais oui, c'est vrai, je suis con. Du coup, est-ce que je peux essayer de discrètement lui voler le zoom ? Le coup du lapin ! Le coup du lapin ! T'es encore sur le zoom ! Moi, ça me va très bien. Écoute, Jaf, tu me fais un jet d'agilité. Ça ne marche pas. Tu arrives. Ran sans faire exprès. Et tu sauves le monde. Putain, merde. J'attrape sa fiole à la place du zoom. C'est ça, c'est exactement ça. Tu vas pour voler son zoom. Et en fait, tu tends trop la main trop loin. Tu attrapes la fiole et tu lui mets dans la tête. Non, non. Ran s'est évanoui. Bah, du coup, j'en profite pour piquer le zoom. Et bah écoute, félicitations, tu as le zoom en ta possession. On a gagné. Il reste 20 minutes. Mais du coup, je me sens mal quand même, je fais oh merde. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux au dortoir. Ok, bah tu es dans les dortoirs désormais. Voilà. J'affre que la fille, mon dieu. Jaffre, je crois que Jaffre vient en un seul jet de régler les deux intrigues en même temps. Le vrai héros de l'histoire depuis le début. Il en a rien à battre. J'aime bien parce que c'est moi qui ai trouvé genre les plans en premier et j'en ai rien à faire de cette histoire pour le reste du jeu. Ça me vend pas mal de rêves, j'avoue. Du coup, ben, Drag, c'est à toi. J'entends rien, je sais rien de ce qui se passe à part que le truc a trop sauté et que je suis en PLS au sol. C'est ça, je sais même plus où t'es là. En fait. Je crois que je suis dans l'infirmerie en train de tousser là, de crash. Ah oui, c'est vrai, tu t'es pris un truc dans la tronche. Le pire, c'est que j'arrête pas de tousser IRL, donc c'est génial pour le RP. Du coup, d'abord, tu vas faire un G. Pour voir si tu te remets de tout ça, donc tu me fais juste un jet de constitution. Je vais faire 95. Ah, oh, ça va. Ta constite, elle est à combien? À 30, donc tu t'en remets pas. Donc tu es hors jeu pour ce tour-là. Encore? Mais oui, le tout précédent, t'as fait des trucs et ce tour-là, t'es hors jeu. Tu peux pas essayer d'appeler à l'aide? Ah, si, tu peux. Je peux essayer. Y'a quelqu'un? Eh oh! Est-ce que je l'entends du coup? Oui, tu l'entends. Bah, du coup, je vais voir Drake. Qu'est-ce que tu fais par terre? Drake, est-ce que ça va? J'ai un peu. Merde. Aide, please. Je fais un jet d'intelligence pour savoir ce que je dois faire. Vas-y. Oh putain, ça marche. Ça marche. Grave. Tu repères pas loin de toi un truc qui permet de mieux respirer, de l'oxygène à mettre dans la tronche de Drake. Tu associes l'idée que c'est actuellement ce dont elle a besoin. Ce dont il a besoin, et tu lui envoies ça dans la tête. Ben, je fais ça. Voilà, très bien. prochain tour, ce sera vu. Du coup, c'est au tour de la team Israd. Donc là, c'est Anouane ou Tammy, je sais plus. Je ne sais plus à qui c'est le tour. Je crois que c'est Anouane. Anouane, je crois que c'est à toi. Pardon. Oui, donc on est dans des tuyaux et on était parti à la rencontre de Grushkov. C'est ça. On parle à Grushkov ou on esquive Grushkov, c'est comme tu veux. On parle à Grushkov. Parlons à Grushkov. C'est le deuxième moment de mai. Est-ce que je les ai vus, moi? J'ai même pas fait gaffe. Bah, du coup, oui. Ok. Donc, qu'est-ce que vous vous dites, hein? Bah, t'as pas vu Ran? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Bah, on est passé par le toit. T'es... D'où tu sors, toi? Bah, de derrière. D'accord, donc on a affaire à un conduit qui mène de derrière au toit, dont on connaissait. Non, alors, d'accord, donc en fait, c'était les projets non prioritaires. Oh, ok, il y a un tuyau magique qui va du toit au sous-sol du dirigeable, et on est tous les trois là par coïncidence? Ben non, moi je suis Véran. Comment ça, tu suivais Ran? Mais c'est pas alors, possible. En fait, c'est une très longue histoire. Tout a commencé quand on était dans la salle au tout début. Mec, je pense que tu es en train de nous raconter des cracks, parce que si tu suivais Ran, nous, on aurait dû croiser Ran. On est arrivé dans l'autre sens. Permission de faire un... Ah bon, permission de faire un jet d'intelligence. Vas-y. Alors, ça veut dire que j'ai peut-être loupé une sortie. Oh, on part à la recherche de la sortie? On part à la recherche de la sortie. Faisons ça. Ouais. Oh. À 3, ça va peut-être être mieux. C'est si toujours mieux. Sur lui, parce qu'on est un peu nul. Non, mais c'est très bien. Du coup, vous faites demi-tour tous les trois, c'est ça? Ouais, mais je prends Tammy un petit peu à part pendant que Anouane continue un petit peu d'avancer. Je lui fais une petite tapote sur l'épaule et je lui dis, tu sais, je crois pas vraiment que tes parents sont alcooliques. Ouais, c'était juste, je voulais qu'on fasse tout ensemble, je voulais qu'on s'allie et qu'on sauve tout, et je sais pas, tout à l'heure j'ai vu Jaffre écrouler comme une merde, et j'ai trouvé ça pathétique, et je me suis rendu compte que moi aussi j'ai été pathétique. Je veux dire, on a tous été pathétiques, même toi, t'as été une pauvre merde, je veux dire. Ouais, mais c'est parce que j'étais blessée. Dans mon mais moi aussi, propre, justement, on a... Tu vois. Et du coup, bah, forcément, j'ai réagi comme un gros caca. Ouais, voilà. Mais on est tous les deux blessés et... Du coup, je me disais qu'on pouvait être frères de sang comme avant. Mais en vrai... Va, c'est pas grave d'avoir une dignité. Mais bon, vous traînez un peu, là. Ok, bon, on arrive. Très bien. Donc, je considère que c'était ton tour, ça. Un câlin, Grushkov. Parce que... Voilà, ça se finit sur un câlin, voilà. Coucher de soleil, on a gagné. Vu que les trois derniers du tour, là, c'est vous trois, je vous laisse un truc supplémentaire, du coup, vous redescendez, vous faites un jet de perception, s'il vous plaît, tous les trois. Donc ça, c'était pour... Alors, Juan. Moi, je l'ai réussi. Du coup, on a... Bon, c'est bon. Grushkov, toi, tu es... Ok. Tammy, toi tu es perception, tu n'es pas bon. Et non, moi, Anouane... j'ai fait, c'était le deuxième, celui d'Anouane, c'était le premier. D'accord, bah, Anouane n'est pas bon et toi t'es ok. Donc voilà, ça. Très bien, donc Grushkov et Tammy, vous passez, vous voyez qu'il y a un conduit qui part sur juste à côté et qui a l'air de déboucher sur une zone qui fait beaucoup de bruit. Bon. Bah, de toute façon, on n'a pas 10 000 endroits où aller, et puis... De toute façon, c'est la fin. La fin du monde. Eh bah, écoutez, vous débouchez, et vous arrivez... vous entendez que Jaffre et... Vous arrivez dans la salle des machines. Vous entendez que Jaffre et Drake sont à côté, et vous voyez Ran par terre avec une fiole qui roule à ses pieds. Est-ce que je les ai suivis ? Ran, non ! Ran, de quoi ? Je sais que tu voulais nous tuer ! Non, alors, non. Anorène, qu'est-ce que t'allais dire ? Est-ce que je les ai suivis ? Parce que moi, j'ai foiré mon jet de perception, mais non. Bah, t'as suivi bêtement, donc ça marche. Okay. Tant que je voulais juste voir si la majorité allait passer à côté ou la minorité. Donc, tu as suivi. Toi, tu vois la fiole. Anorène, tu me fais un jet de perception. Ok. Très bien. Anorène, tu regardes la fiole, et c'est la fiole qui rend gay. Et dans ta perception, vu que c'est un très bon jet, tu vois que Ran, qui est complètement à côté et qui a genre une pupille qui s'ouvre à côté, tu remarques que Ran est elle-même sous l'effet d'une autre fiole. Laquelle ? Bah, la fiole pour devenir méchant. Alors, et ça, c'est votre problème après. Je vous ai aidé là. Je suis la en fiole train TJP. De poser des questions existentielles sur si la fiole qui rend gay va rien changer. Ou si ça va rendre Ran exclusivement attiré par les non-binaires, ce qui pourrait poser problème parce que c'est pas une énorme fraction de la population quand même. D'accord, est-ce que tu veux vraiment réfléchir à ça tout de suite ? Non. Eh bien, Ran est sous l'effet d'une autre fiole, mais c'est comment je vois ça ? C'est-à-dire, tu veux que je fasse un jet d'intelligence pour dilater, ça a l'air chelou quand même. Eh bien, j'ai d'intelligence pour essayer de comprendre c'est quoi les bails. Raté ? Oh, voilà. Elle a sûrement fumé de la beuh. Voilà. Est-ce que je peux en faire un ? Est-ce que je peux en faire un ? Vas-y. Mais c'est le dernier, la dernière leçon que vous allez faire. Bon, ouais. Ça passe pas non plus. Ouais. Tu regardes un animal et tu fais. Si ça oui, passe. Et... Perception, Grushkov, t'es à 60. Ah t'es à non, 30, mais moi je voulais faire un jet d'intelligence pour savoir si je voulais essayer de lui faire un coup du lapin ou si j'étais moins con qu'avant. Tu as réussi ton jet d'intelligence, donc. Ah, je pense que lui défoncer la gueule, ce serait pas une bonne solution. Mais du coup, on peut peut-être l'attacher pour être sûr de pas avoir de soucis. Donc tu l'attaches ? Bah, j'ai pas de corde. Ah, vous êtes dans la salle des machines, il y a plein de matos autour de vous. J'arrache des câbles. Alors non, s'il te plaît, non, sinon je vais devoir te faire plein de jets. Bon bah, je t'attache. Et je t'emprisonne avec une flèche qui nous... qui nous empoisonne. Très bien. Donc, le tour est terminé. Attends, je fais un G. C'est le dernier tour, du coup, auquel on arrive. Est-ce que les musées sont arrivés ? Très bien, ça ne fonctionne pas, donc ok. Je me réveille, enfin, Ran commence à ouvrir les yeux. Et vous jette un regard noir en repérant que c'est vous. Et elle fait, mais qu'est-ce que vous faites là, bande d'abrus ? Et elle commence à remarquer qu'elle est attachée, elle fait « Qui m'a attachée ? Détachez-moi tout de suite !» Moi je dis c'est Jaffre. Elle nous a envoyé le mauvais oeil. Oui. Donc elle crie très fort et voilà. Donc maintenant Jaffre, c'est ton tour. Tu es avec Drake qui a pris très cher. Tu entends que Ran s'est réveillé de l'autre côté, qu'il y a du monde aussi qui est arrivé. Vous êtes tous réunis à peu près dans les deux mêmes salles. Qu'est-ce que tu fais ? Je cache le zoom sur Dreg. Quoi, d'accord. Alors, où ça sur Dreg ? Dans Dreg ? Non, genre dans ses poches, je sais pas. Enfin, en tout cas, parce que Ran pense que c'est moi qui... Enfin, c'est moi qui ai attaqué Ran, je lui ai volé son zoom, du coup... C'est pour être sûr qu'on garde le zoom jusqu'à la fin de la partie. Jaffre, je t'aime. C'était le plan. C'était pas ça, votre plan. Vous aviez pas de plan. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Mais arrêtez de faire genre, c'était impossible à prévoir. Mais si, on a tout prévu. Franchement, on a fait tout ce qui était prévu dans notre plan. Et à la fin, on l'a. Très bien, Dreg, tu viens de te faire manipuler et tu as désormais un zoom quelque part sur toi. Et je ne le sais pas ou... Bah, fais un jet de perception, d'abord. Dans tous les cas, si je le sais, je serais contente. Hein. Ah, ça va. Hein. Et, d'ailleurs, est-ce que du coup, tu te relèves. Vous allez désormais, enfin, je suppose que vous allez rejoindre Grushkov et compagnie. Merci. Bah, dans 10 minutes, c'est fini. Ok, est-ce que je peux proposer qu'on attend 10 minutes histoire d'être sûr? Drake, tu es l'incarnation de la fin de mon scénario. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Ok. Je propose très prudent et un peu à sauvage l'affre. Il y a du bruit à côté. On va voir. Ouais, ok, pas de soucis. Ok, Jaffre, je suis pas sûre, je crois que Crane a fait de la merde dans mon labo. Faut juste que tu le saches, mais je suis incapable de dire quoi, parce que j'ai fait encore plus de merde. Ok, t'inquiète. Et du coup, on y va? Ouais. Très bien, vous y allez. c'est au tour de la team Israd, vous voyez, Drag est bien amoché, et Jaffre arrivé. Et quand Drag arrive... Ran a un sursaut et elle fait « Toi !» Toi ! Je sursaute aussi ? Quoi, moi ? Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ton putain de labo ne fonctionne pas, ma popo elle marche pas, tu fais... Et puis elle s'énerve et elle s'en mélange dans ses propres explications. Et, ok, c'est notre tour, c'est ça ? Ouais, je fais un massage à Ran. Ouais. Je vais voir Drag, je prends Drag dans mes bras, en lui disant, écoute, Ran n'est pas dans son état normal, Ran ne pense sûrement pas à ce qu'elle est en train de dire, tout va bien se passer, et je fais un jet de perception pour savoir si je sens le zoom caché dans les poches. Oh non, merde. Non, mais sérieux. Oh non, c'est raté. Tu l'as raté, tu lui fais juste un câlin. Mais non, c'est un zoom que t'as là ou... Tu supposes juste que Drag est content de te voir. J'aurais fait deck si t'avais réussi. Franchement, j'aurais pleuré. ensuite, du coup, c'est le tour de Grushkov. Je me mets accroupi face à Ran. Et je regarde droit dans les yeux. Ok. Je sais pas si Ran réagit. Jusque là, ça marche. Hein, il te regarde. Mais qu'est-ce que tu me regardes, toi, encore ? Attends, il a réussi à se mettre accroupi sans un jet d'agilité. Donc tu es accroupi, tu es en face de Ran. Ran n'a pas l'air contente de voir que tu es accroupi et que tu la regardes. Ça te dérange ? Oui, laisse-moi partir. Pourquoi faire ? Parce que je suis la patronne et j'ai le droit de circuler librement dans mon propre dirigeable, non ? Pourquoi ? Pour circuler librement, tu n'es pas la police, Grushkov. Pourquoi ? Parce que tu crois que la police a le droit d'empêcher les gens de circuler ? Tu es devenu de droite, Ran, tu as changé. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Qu'est-ce que tu poses comme question ? Bah, je dis pourquoi. Je demande pourquoi. Pourquoi t'as changé ? Pourquoi t'es de droite, Ran ? Attends, je fais un G. Ran te fait... Voilà. Merde, je déteste la bave ! C'est dégueulasse ! Je me relève et je commence à m'essuyer dans mes vêtements et du coup, j'arrache mes vêtements pour pouvoir m'essuyer mieux. J'ai 50 points de charisme en moins. Oh non, 50 points de charisme en plus ! Mais donc tu vas nous faire une Kylo Ren jusqu'au bout, en fait ? Juste, tu as capté un truc dans cet échec de jeu d'intelligence de Ran. Elle n'est pas elle-même, ce n'est pas la Ran que tu connais. Mmh. Oh. Je pense que Ran est sous l'influence de substances. Et Ran a parlé d'un labo de Drag tout à l'heure. Peut-être que s'il y a un labo, il y a des substances. Et peut-être que les substances de Ran viennent de là-bas. J'ai rien fait. Alouane, c'est à toi de jouer maintenant. Drag ? Oui. Tu as fait de la meth dans un laboratoire ? Je te jure que non. J'ai juste... Comment tu as pu faire de la meth à partir de colorants alimentaires ? Tu as révolutionné la chimie. Je t'assure que j'en sais rien. J'ai fait ce que je sais faire de mieux. J'ai mélangé des trucs au pif en espérant que ça marche. Oui, mais les trucs au pif, on est d'accord que c'était des colorants alimentaires. Pas que. Bon, écoute. Est-ce que tu as un cahier de laboratoire? Il doit y en avoir un, mais j'ai peur de l'avoir détruit en explosant la moitié de mon laboratoire. Par les besoins du scénario, je pense qu'il est toujours sauf. Ça tombe. Non, ce n'est pas explosé, il y a juste de la fumée partout. Il y a de la fumée. Alors, vous pouvez y aller, mais couvrez-vous bien le visage. Faites gaffe. Parce que, ouais, je vais chercher le cahier de laboratoire de Dregnael et j'essaye de trouver, parmi les formules, qu'est-ce qui a pu faire chier Ran comme ça. Tu me fais un jet d'intelligence. J'appelle à l'aide les autres gens pour qu'ils viennent lire la page avec moi. Ok. Du coup, on fait aussi des jets? Bah, d'abord, Noël en fait un. C'est fait. Et ça passe ou ça passe pas là? Je sais pas. Raté. Anouane. Ouais, c'est raté. Donc tu vois des formules, tu sais que normalement tu devrais comprendre ce qu'il y a écrit dessus, mais tu es fatigué, la nuit a été longue, et tu n'as toujours pas récupéré le zoom, et du coup c'est trop pour toi, tu ne comprends pas. Est-ce que Anouane... Tamika, tu es la dernière personne à pouvoir jouer de ce tour. Ben, je vais essayer de lire ce qui est marqué. Bah vas-y, fais un jet. Oui. Ça passe. Et ça passe. Ça passe, tu lis et tu vois que parmi les tentatives de création de Dregnael, il y avait un anti-filtre à chip. Oh oh. Un filtre de haine. Oh non. Dreg, qu'est-ce que tu fais? Haine comme Netophonix. Mais du coup, il faudrait juste un filtre à chip pour du coup annuler l'anti-filtre à chip. Mais elle vient pas de s'en prendre un dans la tête? Non, c'était un filtre gay, c'était différent. Est-ce que j'entends la discussion? Oui, tu l'entends. Les gars, j'ai un filtre à chip, j'en ai deux là, regardez. Et je sors mes filtres. J'en sors un et je leur donne. Et bah, go lui jeter la fiole à la tête, c'est comme ça que ça marche les potions. Ok, je peux jouer ou c'est trop... Oui, mais vas-y. Je prends le filtre, je l'ouvre et je lui balance dans la tronche. Pourquoi tu l'as ouvert? Parce que pour pas lui péter le verre sur la gueule. Et ça marche. Ran est au début en mode mais qu'est-ce que tu... Elle tousse, elle est en mode je vous déteste. Quoi? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous bossez pas? Mais pourquoi je suis attachée? C'est Jaffre. Et... je disparais. Pendant ce temps juste, maintenant, minuit sonne. C'est la fin du jeu, et vous pouvez révéler si vous avez gagné, perdu ou quoi que ce soit. Je sors le micro de là où Jaffre l'a caché, et je le montre avec un petit sourire. Je savais que vous étiez la meilleure équipe. Je te l'avais dit, Jaffre, t'es le meilleur. Toi aussi, Drake, t'es le meilleur. C'est grâce à moi aussi, quand même. Bah moi, je me mets à pleurer en regardant Grushkov. Alors du coup, quand tu disais que... Je pensais que j'étais le meilleur, tu me mentais, c'est ça? Non mais toi t'es le meilleur du sang. T'es le sang, mec. Mais t'as perdu. Comment vampire? Est-ce que je peux quand même me déplacer, aller faire un câlin à un rat et lui demander mais qu'est-ce que t'as foutu? Oh, Dreg. Dreg. Oui. Dreg. Oui. Dreg. Oui. Y'a Thomas qui s'est pris un de tes filtres à chip dans la tête. Oh. Bah normalement ça arrête de faire effet au bout d'un moment parce que le filtre à haine, j'ai pas envie de retester bizarrement. D'accord. Mais ça fera, vous vous souvenez, on a déjà merdé avec du filtre à chip, ça arrête de faire effet au bout d'un moment. Je vous rappelle qu'on a infecté tout le netto avec ça une fois. C'est pour ça qu'on a un dirigeable d'ailleurs. Et du coup, je décrète officiellement que Gullweed est le meilleur univers et que les gens de l'équipe de Gullweed sont les meilleurs créateurs / génies de l'univers. Bah voilà. Yes. Félicitations. Je le savais. Vous avez fini le scénar. Et c'est Jaffre qui a sauvé le monde. C'est Jaffre qui a tout sauvé. C'est Jaffre qui a conclu les deux arcs. Je sais pas si vous rendez compte. C'était magnifique. En un seul mouvement en plus. Le climax. Mais du coup, c'était quoi tous les bails? Je veux savoir. Alors, moi, d'après ce que j'ai compris. Y'a Ran qui est allé tester des trucs dans le laboratoire de Dreg, qui s'est auto-mis un filtre de haine sur la gueule et qui s'est mis à détester les hétéros. Du coup... Du coup, Ran a fait un plan pour convertir le monde entier, mais surtout le Netophonix, au LGBTisme, et ça a consisté à faire des trucs dans le dirigeable pour balancer un max de potions de drag sur la gueule au Netto. C'est un très bon résumé. Et voilà qui marque la fin du premier JDR Oryog fait pour Halloween 2019. Avec Anya, Dregnael, Jaffre, Grushkov, Tamika, Anowan et moi-même en tant que MJ. Merci à eux d'avoir participé à ce petit jeu et de l'avoir correctement saboté. Et merci à vous pour votre écoute, en espérant que ça vous a bien amusé. Joyeux Halloween!